Vous êtes dans la zone 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On recevra notre ami François Landry pour parler de politique dans Logocratie 101. Stéphanie et moi nous mettrons des choses dans la bouche avec la bouffe de la semaine et nos chroniques maison seront laissées sous le show d'assemblage. Le bloc pub, mais ça existe, mais ça devrait pas être là. Assemblage requis tout de suite. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage requis. Alors, ce jeudi 6 mars 2014, je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Salut! Hey, salut Mathieu! Ça va? Oui, toi? Oui, je sais pas, on a l'air vraiment excité d'animer, là, ce matin. Ah, ben oui. Hey, j'ai remarqué quelque chose ce matin. As-tu remarqué, c'est toujours quand on est le plus pressé qu'on prend le temps de faire des affaires inutiles, mais qui nous tiennent à cœur. Ouais, comme? Par exemple, ce matin, quand je suis rentrée dans le pavillon, il y avait une carte d'accès. Mais c'est un monsieur, c'était pas une carte d'université. J'ai l'impression que c'est pour rentrer dans un bâtiment important. OK. Puis ben, j'ai trouvé une carte d'accès à l'entrée. Là, je suis comme, je suis pas pour la laisser la face par en bas, tu sais, confiture par en bas, puis qu'il y a personne, tu sais, qui va la voir. En tout cas, fait que je me suis dit, je vais la prendre, je vais la mettre en équilibre sur le petit, la petite fan, le petit radiateur à l'entrée, ouais. Dans le pavillon. À la vue, pour que la personne s'y situe. C'est ça. Ouais. Donc, je dois avoir passé une bonne minute complète à essayer de le faire tenir en équilibre pour qu'on voit le visage du monsieur. Oh, mais fine. Là, mais j'essaie de me dépêcher, mais là, non, on le voit pas. Comment je pourrais le placer? Mais tu sais, c'est mieux d'avoir fait ça que d'aller jusqu'aux objets perdus qui, j'imagine, sont assez loin. En fait, est-ce qu'il y a des objets perdus à l'UQTR? Je sais même pas. Les objets perdus, je crois que c'est au service de garde. Pas de garde. De sécurité! C'est la garderie, le petit bac. Ils ont un petit bac avec les affaires dedans. Les enfants orphelins trouvés sur le bord du chemin. Ils jouent aux marionnettes avec la petite carte de sécurité du gars. Bref, monsieur, j'ai oublié votre nom, mais si vous avez perdu votre carte d'identité, là, avec une petite pince là, qui s'attache à la chemise, là, est dans l'entrée du pavillon à vie étudiante. Voilà. Moi, si on se rappelle d'hier, tu te rappelles, tu m'as parlé de ta voiture, que j'avais de la difficulté à différencier des autres voitures dans le stationnement. Oui. Par hasard complet, hier, en sortant du bureau après le Mathieu Planchot avec Marie-Ève Picard, je suis arrivé, on est sorti, puis je suis vraiment allé vers le mauvais char, vers la mauvaise voiture, qui était grise, mais qui n'avait pas la même forme du tout, pas la même sorte. C'est l'auto à ta blonde. C'est ça, c'est l'auto à ma blonde que je suis. Que tu vois chaque jour. C'est ça, 6 jours sur 7. T'embarques dedans chaque jour. Ouais. Ouais, oh, fait, tu vois, c'est. Wow. J'ai un problème psychologique, je crois. Oui, entre autres celui-là. Donc aujourd'hui, à Assemblage requis, on a un plan très très chargé. C'est sûrement la raison pour laquelle on est aussi excité. C'est qu'on a plein de choses à faire avec vous. Notre seul chroniqueur est à 8h30, c'est François Landry et sa chronique Logocratie 101. Aujourd'hui, son sujet, c'est aux urnes. D'après moi, on va parler du fait qu'on va aller aux élections, en élection, voter aux urinoirs. Cool! Cool! Hein? On s'y attendait pas du tout. Non, ben 18 mois après la dernière fois. Bref. Aussi, autour de ça, les chroniques maison, le bloc pub en début d'émission. Ensuite, ça mais ça devrait répondre là, bonus track. Et on a aussi les instructions d'assemblage. Et pour terminer ça, en beauté, le jeudi, comme toujours, c'est la bouffe de la semaine. Ça va être en fin d'émission. Je pense que ça va être plus malbouffe la semaine. Pas mal plus malbouffe. Avec la malbouffe principale et un genre de petit dessert à côté, genre collation plus, collation. Ah, OK. Qui te rappellera des souvenirs. On y a déjà goûté. Ça va contrevenir ou contourner les règles. On a peut-être déjà goûté à ça, mais c'est un souvenir, un flashback. De toute façon, les règlements, c'est nous autres qui les a fait. On est des rebelles, on est assez fous ici. En fait, je dis nous autres, c'est principalement moi. Non. C'est ça. Ah, ben, tu sais, c'est ce qui fait ton charme. Ah ouais? Ben, entre autres. OK. On va débuter avec le bloc pub dans quelques instants, pour l'instant. On commence la musique avec Jobin. Voici Take a Ride. Ah oui, embarque. Ah oui. On a des bonbons. Retour de Mahin. Mais on a littéralement des bonbons. Hein? Indice pour la malbouffe de la semaine. Take a ride. Heal my soul after I split with my lover. Too fast. Can you feel my pain? You too gorgeous. Take a ride. If not, I'm out of control after a fast goodbye. Can you feel my pain? You too gorgeous. I want to fall. I'm not strong enough. enough to cope with loneliness. Survive, need to stop this merry-go-round, and I try. In vain, but I try to forget you. Ben Take a Ride, Assemblage Requis. C'est très, très bon. C'est une deuxième pièce de son album qui se nomme The New Religion Project. Très différente oui. De l'ancienne pièce. Son accent paraît plus sur celle-là, on dirait. Son accent? Son accent. Ah, de où? Will you be there for me? Je sais pas. Je vous cligne, mais il y a un accent, je le détecte. Tiens, maintenant, là, hein? C'est le moment de parler de publicité. Là, je fais des grands yeux. Oui, t'as l'air c'est excité. Okay. Hey, c'est le bloc pub. Venez au beau marché. Oui, papa. Tout le monde aime the Greenland. Je préfère le goût de Burger King. Ouh, papi, bye. 4,99$ la minute. I love you and I kiss you. Ah oui, kiss you too, Miss Jojo Savard. C'est la chronique Le Bloc Pub où on parle de publicité, bien sûr, et on va avoir du plaisir parce qu'il y a plein de sujets vraiment intéressants. Commençons avec une chaîne de rénovation, de magasins de rénovation qui trouve une nouvelle façon de faire la publicité. Tu sais, les pubs de magasins d'outils, là, c'est rarement bien, bien original. Effectivement. C'est un peu plate, en fait. T'sais, tu sais que les gars vont venir pareil, t'sais, avec la, ou les femmes, des fois, mais surtout, on s'entend que c'est un magasin assez masculin. Eh bien, on s'en va en Europe, c'est en Allemagne, en fait, où la chaîne de rénovation OBI a fait de la publicité pour ses produits de rénovation en rénovant des maisons, mais juste des bouts. Ah! Genre, ils prennent un bloc appartement ou une maison, n'importe quoi, des environnements, des bâtisses, et ils vont juste prendre la grosseur de panneaux publicitaires sur la bâtisse et vont rénover cette partie-là. Okay? Donc, par exemple, sur ce bloc appartement-là, on voit des fenêtres. Tout est genre super de mauvais... en mauvaise forme sur la bâtisse, sauf qu'ils ont fait un contour de peinture. Ils ont peinturé les fenêtres blanches et le mur rose avec un petit logo OBI dans le coin. Et puis, ça fait genre rénover par OBI. C'est une bonne idée. Ben, je sais pas, est-ce qu'on pourrait dire ben, c'est parce qu'ils ont pas fini leur job? Ben, justement, ça aurait l'air de ça. C'était pas du fait que c'est marqué rénover. Moi, j'avoue, en partie par OBI. Imaginez ce que ça pourrait faire si vous la faisiez au complet, genre. Mm-hmm. Mais ça tirait moins l'œil. Et c'est la grosseur de panneau publicitaire. Donc, vraiment, t'es habitué de voir ces formes-là, ces grandeurs-là. Non, donc, non, mais je dis ça, mais faudrait vraiment être de mauvaise foi pour penser ça. Je vraiment. Mais je trouvais ça assez fantastique de la grosseur d'un panneau publicitaire à la place de juste montrer des panneaux absolument de Rona et autres places comme ça. L'avant et après est particulièrement marquant, justement, de montrer le reste de la bâtisse qui est là avant et la pancarte qui est là après. Mais je me demande s'ils ont vraiment changé la fenêtre ou s'ils ont juste peint le corps. Ils ont peint par-dessus. En tout cas, je crois pas que les fenêtres aient été changées. Ben, peut-être certaines d'entre elles, là, mais ça ressemble plus à un job de peinture. Ils ont fait à moitié leur job. À moitié, exactement. Mais ils ont mis une fleur. Oui. Allez voir, il y a une petite vidéo qui vous montre comment ils ont fait ça sur assemblagerequis.com. En fait, on a l'air d'avoir changé surtout les cadrages. Je vois un petit peu là, en train de rénover. Là. Peut-être les fenêtres aussi. Bref, on passe maintenant à Pizza Hut. Quand on va au restaurant, il n'y a rien de plus déplaisant que de devoir parler à des humains. Ben, dans la vie de tous les jours. Si on peut s'éviter ça une fois de temps en temps. Pourquoi vous pensez qu'on parle à des micros? Et juste à toi, tu me parles à moi, moi je te parle à toi. Parce que c'est tout ce qu'on est capable de supporter. Dans... Mais ce que vous savez pas, c'est qu'il y a un gros panneau qui nous sépare. On se voit même pas. En fait, t'es par téléphone en direct d'Alberta. Donc, ça Pizza Hut. Oui, c'est ça. Très bien, ça a l'air vrai. Donc, chez Pizza Hut, on a une nouvelle application sur les tables pour commander de la pizza. Est-ce quelque chose d'utile et de cool ou est-ce que c'est dégueulasse et vraiment pas efficace? À vous de juger. Donc, Pizza Hut et Chaotic Moon Studios ont créé une table concept. Donc, évidemment, c'est pas encore sur le marché, mais ça pourrait l'être un jour. Qui enlève le processus de la commande avec une personne devant toi. À la place, tu fais sur la table. Donc, si on regarde la petite vidéo ici, on voit les gens assis autour d'une table avec une pizza dessinée par ordinateur dans le milieu de la table. On choisit la grandeur pour commencer. Bon, le gars, évidemment, choisit une large. La fille descend ça une moyenne, comme toutes les filles du monde, parce que, je veux dire, c'est tellement cliché, il faut vraiment continuer le genre de... le cliché de la fille qui dit tout le temps au gars quoi faire. Ensuite, on choisit la croûte, on choisit la sauce, le fromage, ils mettent deux fois plus de fromage. Ça a l'air bon? Mais moi, pour vrai, je trouve ça vraiment cool. Ben oui. Puis, on s'entend, moi, quand on me dit « Ah, oh, médium, large », honnêtement, je sais jamais de quoi ça va avoir l'air. Là, on voit concrètement la grandeur que va avoir notre pizza. C'est divisé en pointe en plus, donc on voit vraiment la pointe combien va mesurer. Donc c'est ça, ils rajoutent la sauce. Bon, tu peux faire sur la moitié de la pizza, sur la pizza au complet. Puis là, ici, ils choisissent le fromage deux fois. Après ça, les légumes. Bon, pepperoni. La fille dit non, je veux pas de pepperoni, mais là, je sors sur ta moitié, etc., etc. Donc c'est vraiment cool. Il y a comme un petit carrousel de saveurs, de légumes que tu peux faire tourner. C'est très bien fait. Évidemment, tout ça par ordinateur, c'est qu'un concept. Donc on peut s'attendre à ce que... Ben, en fait, ça pourrait ressembler à ça parce que la technologie est rendue là. Mais ce serait cool, c'est chez Pizza Hut grâce à Chaotic Moon Studios. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment cool. Et as-tu vu à la fin de la vidéo, si tu continues et tu complètes ta pizza, pendant ton attente, tu peux jouer à Flappy Stash, au lieu de Flappy Bird, et Dragon Academy. Ouais, c'était cœur, hein? C'est encore plus cool pendant que tu attends, comme ça, tu n'as pas à parler à ta copine. qu'est-ce qui... Non, je pense que dans mon couple, à moi, c'est plus moi qui jouerais au jeu. Ensuite, on parle de Diet Coke, qui fait des références un petit peu à la drogue dans ses publicités. C'est assez bizarre. Donc, leur slogan, leur nouveau slogan pour Diet Coke, c'est « You're on, point, Diet Coke ». Mais mis juxtaposé, ça donne « You're on Diet Coke » ou « You're on Coke », tu comprends? Et leur publicité donne vraiment l'impression qu'on parle de drogue parce que t'as Taylor Swift qui va, dans le fond, prendre un Coke Diet, un hit de sa drogue préférée, son Coke Diet backstage à un concert. Il a dit « Parfait, je suis prêt, on y va », tu sais. On dirait, tu sais, je suis prêt parce que j'ai bu mon coke diète. Ça fait vraiment très, très drogue. Donc, les gens qui apportent un petit peu sur Internet en ce moment. C'est une campagne par Joga 5 à New York qui donc ramasse un petit peu de buzz. Un peu comme la drogue, ramasse du buzz. Le client et l'agence ont sûrement choisi ça par exprès, sachant très bien que ça avait rapport avec la drogue. Et c'est facile de nier le fait que ça a rapport avec la drogue. Donc, vu que c'est pas trop poussé quand même comme concept. Coca-Cola dit, je cite... Cette publicité fait partie d'une nouvelle campagne pour Diet Coke intitulée You're On. Nous célébrons, les gens qui veulent accomplir des choses partout dans la vie. Diet Coke est là pour les soutenir dans leurs moments les plus difficiles. Quand ils veulent être à leur meilleur, il faut avoir Diet Coke. Qui est là à la fin du texte. Diet Coke n'endosse pas l'utilisation des substances illégales. Bon, il précise. Si c'est dit de même. Fait que c'est un peu plus clair. Il n'y en a pas de problème. You're On Coke. Tu prends de la Coke. C'est vraiment littéralement ce que ça veut dire. Comment la ponctuation? Ça vient montrer à quel point la ponctuation est importante dans une phrase. Exact. Il y a un point. You're on point. Coke. Oui. Analysez ça comme ça vous tente. Allez voir, il y a même un slogan genre « T'as déménagé à New York avec seulement les vêtements que tu portais, l'argent dans ta poche et l'œil fixé directement sur le prix. » C'est le genre de prize. Et c'est marqué « You're on Coke ». Ça fait très drogué. Ensuite, on va chez McDonald's. On a parlé pizza tantôt. On faisait le tour des fast-foods. Un gros comptoir de McDonald's installé pour que tu te sentes comme un enfant. Excellente idée. Donc, c'est au Pérou. Pardon? T'as dit excellente idée? Oui, non. Tu trouves pas? Non. Un gigantesque comptoir et tu dois faire un peu comme un enfant. Ce serait beaucoup trop bas pour le comptoir. Tu dois comme... j'aime ça être une adulte. T'aimes ça? Avoir les responsabilités d'une adulte? Ben non, il y a plein d'autres choses qui viennent avec. Ouais. En tout cas, mais bref, tu pourrais aller chercher des McCroquettes comme si t'étais un jeune enfant, tu sais, comment c'était le fun la fin de semaine, aller chercher des McCroquettes ou peu importe quand vous faisiez ça. Donc, c'est ça, pas besoin de penser aux gras saturés, aux artères qui vont arriver, aux caillots de sang, je sais pas trop quoi que vous allez créer en mangeant autant de McDonald's. Donc, voilà, allez voir la petite vidéo de ce comptoir-là pour adultes, mais gigantesque. Oh mon Dieu. Je sais pas s'il y a d'autres meubles grands comme ça pour pouvoir simuler... l'enfance à la maison, genre tellement une grande grandeur. Tellement. Ah, c'est tellement cool. Ensuite, l'hiver. Un jour va peut-être terminer, mais pour l'instant, on peut encore avoir du plaisir avec l'hiver, avec une publicité pour du shampoing pour les parties pelliculaires. Donc, c'est une agence montréalaise, LG2, qui a trouvé une utilisation, donc une façon géniale, je trouve, de se servir de la neige pour la publicité. Donc, ça donne l'impression qu'il y a des pellicules sur la tête des gens. Donc, on installe des affiches sur des bandes, tu sais, genre des murets sur les côtés des rues. Tu sais, il y a tout le temps des publicités affichées là-dessus. Et là, on installe à l'arrière de cette bande-là une planche de bois, juste la grandeur de l'affiche. Et il y a quelqu'un qui est payé tous les jours pour venir pelleter de la neige, pour mettre la neige sur les cheveux des personnes. Oh! C'est un peu du trouble. Non, mais... comment? T'es payé pour mettre un peu de neige sur une pub, c'est cool. Salaire minimum, probablement. C'est pas grave, là. C'est juste pelleter une pelletée de neige, t'sais. Mais ce qui est fun, c'est qu'après ça, le vent passe puis ça enlève la neige. Faut que quelqu'un en remette dessus, t'sais. Ben si c'est de la follette, oui, ça va partir. Ouais. Mais de la grosse neige, l'aide pesante, regarde dehors, tu vas voir, le vent change pas grand-chose. Elle est encore là. Ça colle pas mal. Et le slogan est particulièrement intéressant, c'est « Quand les pellicules vous prennent par surprise ». C'est très bon, donc s'il neige dessus, sans que personne soit venu mettre de la... Tu sais, la neige, elle va tomber elle-même, des fois aussi. Fait que ça fait encore un plus bel effet sur la tête des gens. Et t'as le logo, ben, à la bouteille de Celsius Blue dans le coin. Génial. Ensuite, on va en Belgique. Souvent, quand tu regardes des vidéos en ligne, tu vas être surpris de voir peut-être une petite boule tourner dans tous les sens pour te dire, bon, regarde, je suis en chargement, buffering. Eh bien, qu'est-ce qui se passerait si tu regardais la télé à la maison et qu'il se passait la même chose? Ça serait un peu ordinaire. Un petit peu, ben c'est justement l'idée de la compagnie de télécommunications belge BASE et leur service 4G. Donc l'agence a utilisé des panneaux publicitaires, des panneaux genre télévisuels, c'est-à-dire un billboard, une image qui se passe à la télé. Donc au début et à la fin de blocs de programmation, donc sur une chaîne de en fait sur toutes les chaînes de télé, ben pas toutes, mais les majeures. Donc ça dit, et je cite, « Vous n'êtes pas habitué d'attendre à la maison, donc pourquoi attendre quand vous êtes sur la route? Avec le BASE 4G, vous allez pouvoir surfer aussi rapidement qu'à la maison. » Hein? Donc, on montre pas la vidéo parce que ça sert pas à grand-chose, mais t'es en train de regarder un talk show et quand on s'en va à la pub, à la place de se rendre jusqu'à la pub, ça arrête avant et là, ça se met à bufferer pendant le talk show, mais c'est inclus dans l'émission et ça faisait ça sur toutes les chaînes des grands réseaux en même temps, à la même heure. Donc, si tu changeais de poste, t'étais encore pogné sur le buffering. L'idée est un petit peu gossante, mais tellement intelligente, non? Ouais, c'est gossant, mais tellement réaliste. Ça attire l'attention. Pour vrai, mais je fais juste regarder la vidéo qui montre ce qui se passe. Puis je sais ce qui se passe. ça me gosse. C'est ça, tu veux quand même que ça arrête à Wesh? C'est vraiment gossant. La seule place où on peut se sauver ça d'habitude. Mais c'est ça, la télé a ses avantages et ses désavantages. Juste le fait d'avoir des pubs à la télé me dérange. Mais bon, bref. C'est pour ça qu'on les contourne. Ensuite, on s'en va à New York. Voilà. Comment est-ce qu'on peut faire de la publicité pour la plus vieille tequila du monde? Quand t'es vraiment la plus vieille marque de tequila, à un moment donné, t'as peut-être fait le tour de tes concepts publicitaires. Mm. Donc, Meca New York a lancé un nouveau site pour son alcool, José Cuervo. En tout cas, en fait, c'est 5 sites en un. Ils ont donc amené un nouveau site pour 2014. Ils venaient de se faire faire un nouveau site. Donc, la marque a aussi imaginé de quoi la marque aurait eu l'air en 1795, 1880, 1945 et 1974. Ils ont vraiment fait de la recherche. Ils ont cherché dans le langage anglais dans ce temps-là, le design, comment c'était fait. Évidemment, pas de site web, mais le design de livres, de pas du papyrus, là, mais du papier à l'ancienne mode. Là, bref, ça ressemble quasiment à du papyrus. Donc, le seul désavantage, nous dit l'article de Adweek.com, c'est que le site de 2014 a l'air presque plate par comparaison parce qu'il est trop dans le présent. Tu sais comment les gens se font des sites web? Dans le présent, ils se payent un gros site web à 10 000$ ou même plus, beaucoup plus que ça pour une grosse entreprise. Et tous se ressemblent et sont pareils, ouais. Placés pareils. Moi, je trouve ça vraiment plate, mais bon. Donc, allez voir ça. Le site de 1795, c'est écrit sur un papier un peu comme la Déclaration d'indépendance, si on veut. Celui de 1880, c'est un petit peu plus difficile à dire, mais c'est très, très dessin dans ce temps-là. Il y avait vraiment des ombrages. C'est très, très cute, je trouve. Alors qu'en 1945, c'était évidemment genre des pin-up girls, les filles très, très classe qu'on aime encore aujourd'hui. J'aime beaucoup cette page-là. C'est mon préféré aussi. 1974, c'est très groovy. Très, très groovy. Dans ce boogie. Boogie, on dirait une affiche de film, en effet. Be Cuervo, be cool. Et celui de 2014, ben, ça ressemble à toutes les autres, c'est tout, ben, des grosses bannières et du texte. Voilà, donc, tout pareil. Maintenant, on parle de LG et la dimension, l'épaisseur de ces télévisions. Ils ont une nouvelle télé qui est tellement mince qu'on a pu faire la publicité sur le côté, pas dans une affiche ou quelque chose de dépliable, mais sur le côté d'un magazine. Oh. Étant donné que le magazine a la même épaisseur que la télé. Oh. Là, on parle d'un très petit magazine en plus, un magazine très très mince. Donc c'est MNC Saatchi à Stockholm qui fait la publicité pour cette télé OLED de LG, 4 mm d'épaisseur. Incroyable. Donc sur la reliure, si on veut, du magazine Light and Builder, qui veut dire Sound and Image, qui mesure aussi 4 mm d'épais. Je sais pas s'il a fallu qu'il coupe des pages ou quelque chose comme ça pour se rendre à exactement 4 mm, mais ça l'histoire ne le dit pas. Donc c'est ça, c'est le texte. Introducing the world's thinnest OLED TV, la télé la plus mince du monde, OLED. Il y a des petites flèches. Donc, haut et bas, qui marque 4 mm, et t'as le logo d'LG à droite. Ça dit même pas le numéro, le nom de modèle ou rien, ça te juste garde « Alexis, renseigne-toi ». Ben, c'est assez pour attirer l'attention et se dire « Ah, ben, je vais aller en voir plus sur le sujet ». Je trouve que c'est une très bonne idée, sauf que, honnêtement, on regarde pas ça, reliure du magazine. Ah, vraiment pas. C'est pourquoi on regarde pas ça? Parce que d'habitude, c'est le nom du magazine avec le volume, le numéro. Ça nous intéresse pas, donc on regarde pas ça. T'as tellement raison. D'après moi, tu vas te rendre compte de la publicité quand tu vas avoir classé ton magazine dans ta bibliothèque puis que tu vas chercher un numéro en particulier. Tu vas comme, hein, c'est quoi ça? Puis là, tu vas voir la pub, genre, 6 mois plus tard ou chez le dentiste. C'est ça, ou aux toilettes. Genre. Quand tu dois aller lire un magazine. Là, tu fais des guillemets avec tes doigts. Genre. Ensuite, une agence qui change des paquets, donc des paquets qu'on fait livrer, des colis, pour montrer le logo de compétiteur par rapport à la personne qui va livrer. Donc, c'est une agence absolument diabolesque qui a créé ça. Diabolesque? Diabolique, hein? Ouais. Ouais. Je sais pas, diabolique. C'était pourtant évident, tu sais, c'était vraiment même clair pour tout le monde, mais bon. Donc, il y a une vidéo qui vient d'exploser sur le web cette semaine, qui est depuis les derniers jours, donc qui nous montre la livraison. En fait, c'est qu'on demande, on envoie un paquet par UPS ou par FedEx ou peu importe, et quand le paquet, le colis est amené par le livreur, la température dehors va faire apparaître le slogan « DHL is faster ». DHL est plus rapide. Donc, la cascade a été accomplie en emballant les boîtes d'aluminium thermoactif qui, lorsqu'il est refroidi, cache le message jusqu'à ce qu'il soit assez chaud pour être montré. Donc, là, ben, c'est des gens de UPS ou de FedEx qui ont l'air fous parce qu'ils transportent un logo de DHL. Mais c'est donc un coup bas. C'est très coup bas. C'est un coup bas. C'est diabolesque, ça. Comme on dirait. Ouais. Comme certains pourraient dire. OK, c'était ça, ton mot. C'est ça, ouais. Donc, c'est pas quelque chose qui a été initié par DHL. DHL a dit que c'était pas leur faute. La vidéo a été créée par une agence externe pour une compétition à l'interne, donc dans cette compagnie-là. Et il était au courant, DHL, que ça allait être utilisé, leur logo, pour cette fin-là de compétition à l'interne. Mais il était pas au courant que ça allait se rendre jusque sur YouTube. Ah, tu peux pas chialer que ça a été fait. C'est quand même très drôle. Non, mais t'as l'air un petit peu méchant. Méchant, non. Non, mais c'est ça. C'est pas méchant. C'est juste gars, on est plus rapide que vous autres, là. Assumez-vous, vous êtes là. Bon. C'est tout ce que ça me dit, moi. Ensuite, on va dans le métro, tiens, pourquoi pas. Publicité assez amusante en Suède pour des produits de soins pour les cheveux qui étaient arrangés électroniquement pour reconnaître quand un train entre dans la station et ça montre les cheveux de la femme au vent quand le train passe. Ah, c'est cool. C'est l'agence publicitaire Akestam Holst et la compagnie de production Stop qui ont produit cette publicité-là pour Apothèque Yortat, Apollo Sophie. Ça, c'est une série de produits pour les cheveux. Donc, la publicité qui devait être affichée pendant seulement une journée a tellement été aimée par le public et aussi sûrement financièrement par la compagnie qui annonçait qu'on a décidé de la garder là pendant 5 jours pour montrer qu'un panneau publicitaire peut faire ce genre de choses-là. Donc, tu vois vraiment le train de métro passer et les cheveux qui font fiou! Ah, oh, puis c'est tellement bien fait! C'est réussi. Ah, oh, c'est vraiment, vraiment cool. J'adore celle-là. Et on termine avec un journal qui s'est fait racheter. Vous savez, si mettons exemple, je sais pas, le Zone Campus se faisait racheter par le New York Times ou le Devoir ou je sais pas trop quoi, on aurait l'air de se prendre pour d'autres avec l'équipe qu'on a, tu comprends? C'est pour ça qu'on fait, t'sais. Ça aurait l'air fou. Donc imaginez si mettons un petit journal alternatif se faisait acheter par un gros, ben c'est ce qui s'est passé. C'est le Baltimore City Paper qui s'est fait racheter par le Sun. Ça, c'est à... attention, dans quelle ville est-ce que c'est? Je me rappelle plus, ça va sûrement le dire plus tard. Ben, ça doit être dans Baltimore, je te gâche, parce que le Baltimore City Paper doit être à Baltimore. Mais bon, on va faire... Regarde, je suis pas plus vite que toi, je cherchais aussi. C'est diabolesque, moi, mal. Donc, ils ont acheté le journal alternatif. Et puis, ben, évidemment, ce journal-là était connu parce que, bon, il parlait un petit peu contre l'establishment dans ce City Paper-là. Et évidemment, ils sont fait racheter par quoi l'establishment? Donc, le slogan du Sun, qui était « Light for all », donc la lumière pour tous, a été remplacé sur leur maquette remodelée par « Jobs for Sun », donc des emplois pour certains, parce qu'évidemment, ça fait référence au fait que le City Paper va se faire renvoyer une bonne partie de son équipe. Leur nouvelle principale... Donc, évidemment, ce que vous avez peut-être pas compris, c'est que le City Paper a repris la maquette exacte du Sun en faisant une parodie. T'sais, ça reste le City Paper, mais avec l'apparence du Sun. Donc, leur première nouvelle principale est remplie de mots obscènes et de références aux drogues. Et ça se termine avec, tu sais, il y a tout le temps un mot à la fin, genre voir l'article qui s'appelle genre X, tu sais, un mot. Ouais, genre, ouais, oui. Voir papa. Donc ici, c'est voir plus de jurons en page 14. Ah, c'est drôle. C'est vraiment très fun. Ça dit, bon, que c'est possible d'être vendu sans vraiment être vendu. Guillemets encore dans les airs. J'aime ça. C'est une très, très bonne idée. Donc voilà, pour l'alternatif de Sun, le journal de Sun qui rachète le Baltimore City Paper. Allez voir l'article sur assemblagerequis.com et c'est tout pour le bloc pub. Ah, oh, déjà? C'est rapide, mais on aime ça. Moi, j'aime bien ça. Ah, oh, j'aime vraiment ça. C'est très divertissant. Au retour, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a plein d'autres chroniques pour vous, bien sûr. On va avoir en premier 5 semaines, ça devrait répondre là. Ah, la suite d'hier? Bonus! Assemblage Requis reste là. Vous êtes dans la zone 89.1. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, c'est toujours Assemblage Requis en ce jeudi 6 mars 2014. C'est Stéphanie Paradis. Oui, c'est Mathieu Plante. On est en train de s'enlever les poils sur les. Des poils de chat, évidemment. Mais non, mais t'avais carrément la patte de ton chat là, sur l'épaule. Oui, je l'ai flatté après. C'était dégueulasse. Ouais. Dans quelques instants, ça existe, ça ne devrait pas là. Mais avant ça, une chanson d'Auguste. Une chanson? C'est ironique un peu parce que le groupe s'appelle Auguste, puis la chanson, c'est 3 jours en hiver, tu sais, le mois d'août, Auguste. OK. Ah ouais? Sens, ouais. Mais... Mon chat l'aurait trouvé drôle. Mais oui. Trois longs jour et je m'en irai. J'écris, je compte chaque seconde. Car décembre est long, presque supportable. Depuis que tu n'y es plus, ici la lune ne brille pas. Ici les tours sont comme des rois. Et quand la neige fondra en mai, je serai à toi. De longs jours et je m'en irai. Ici le temps c'est comme le vent. Et je pense à tout et je pense à rien. Et ça me tue en dedans. Ici la lune ne brille pas. Ici les tours sont comme des rois. Et quand la neige fondra en mai, je serai à toi. Je m'en irai loin de cette ville malade. Car je tiens sur un fil qui ne tient à rien et qui cassera bientôt. Ici la lune ne brille pas. Ici les tours sont comme des rois. Et quand la neige fondra en mai, je serai à toi. Ici la lune ne brille pas. Ici les tours sont comme des rois. Et quand la neige fondra en mai, là-bas les lumières ne brillent que pour toi. Là-bas j'en rêve depuis longtemps. Auguste, c'est trois jours en hiver. Je sais pas où le gars il vit pour que la neige fonde au mois de mai, dans ses paroles. Hein? Il dit quand la neige fondra au mois de mai, là. Il dit ça, dans les paroles. Probablement en Gaspésie. Peut-être. on achètera peut-être un billet d'autobus pour faire l'émission live de là. J'essaie de trouver un lien vers quelque chose qu'on achète. Voici, ça existe, mais ça ne devrait pas. J'en manque de lien. Ouais. C'est ça existe, mais ça ne devrait pas. On a la chronique de gadgets inutiles. Stéphanie, c'est une chronique bonus. Bonus? D'habitude, on fait ça le mercredi. On l'a fait, en effet, ce mercredi, mais là, il y en avait assez pour en faire une deuxième. Puis on aime ça. On aime ça. C'est la chronique préférée de tous et chacun. Commençons par un fusil. Hein. Il y a des gens qui sont fanatiques de fusils. Oui, ça commence morbide un peu. Mais bon. Morbide? Ben là, quand même pas. Ben, je sais pas. D'habitude, les fusils, ça sert pas mal à tuer des gens. Pas juste des gens. Pas juste des gens, c'est un bon point. Des corneilles. Et ça, c'est pas morbide du tout. Tu veux des corneilles, c'est juste normal. D'accord, c'est ça? Hein? D'après moi, c'était pas des corneilles. Non. Mais en tout cas. Donc, barrez votre arme à feu dans une armoire, bien sûr, pour les garder loin des enfants. C'est sûr qu'éventuellement, ils vont peut-être trouver la clé ou vont trouver la combinaison pour ouvrir votre garde-robe ou l'endroit où vous gardez vos armes. L'Armatix IP1. ne tirera pas une seule balle de son calibre .22, à moins que son application, sa montre à RFID, ça c'est rear field, truc, pas near field, c'est RFID, c'est en tout cas bref, un truc qui détecte ta proximité au fusil. Et tu peux activer un code, donc un NIP, qui va empêcher le fusil en plus de tirer, même si la montre est dans la même proximité. Donc si quelqu'un, évidemment, prenait votre fusil et que vous étiez là à côté avec votre montre, il pourrait vous tirer quand même. Donc il y aurait un mot de passe en plus. Oui, mais admettons que c'est toi, ta vie est en danger. T'as pas le temps de rentrer ton code pour te défendre? Faut que tu pèses les pour et les contre, les avantages et désavantages de chacune de ces façons-là. Mais oui, en effet, ça serait plutôt difficile d'avoir ta montre sur ton poignet et en plus de rappeler ton code pendant que tu te fais tirer dessus par quelqu'un d'autre. Ouais, en tout cas. Donc, 1 400 $ pour le fusil et un autre 400 $ pour la montre. Quand même. En tout cas, c'est pas une très belle montre en plus. Ensuite, une machine à écrire. Pour les gens qui n'ont pas vécu l'époque des machines à écrire, je pense que c'est la plupart d'entre vous. Mais mon père, il y en avait une. Je m'amusais avec ça quand j'étais petite. Ah, cool! J'aimais vraiment ça. Ah, je suis jaloux un peu là. Je gaspillais tout son tape là, pour effacer. Oui, le genre de l'ancêtre du liquid paper. Ah, c'est débile. Donc, pour 181 $, oui, et 98, cette machine-là de 15 livres, une vieille machine à écrire, est achetable sur Internet. On dit pour partager avec les enfants qui n'ont jamais utilisé de machine à écrire ou juste comme décoration dans votre maison. Elle fonctionne quand même, mais les gens vont s'en servir qu'ils disent comme décoration. Mais qui pogne la poussière en tabarouette, hein? En effet, c'est dur parce que c'est dur à nettoyer. La stylo, c'est toutes des petites touches individuelles, puis l'intérieur, la poussière tombe dedans. Tout ça. Ah. Tel un clavier d'ordinateur. Mais les touches sont plus séparées, on dirait, sur une dactylo, je trouve. Ensuite de ça, tiens, on aime les choses qui sont un mélange de différentes choses. Par exemple, le cronut, le croissant et le donut. On a tous vu passer la mode des cronuts il y a quelques mois. Ça, on dirait que j'en ai plus entendu parler depuis. Les cronuts. Depuis quand? Depuis que c'était à la mode, il y a peut-être 3-4 mois. Ah, je sais pas. Effectivement, c'était dans le Ricardo de il y a 3-4 mois. Ouais, et en plus, celui-là a sûrement été écrit il y a 2 mois. Parce que c'est le temps à 2 mois à l'avance, les magazines, ça sort le mois de février. Non, pour le pas mois de... il y a 2 mois. Il est sorti il y a 3-4 mois, donc c'est avant ça encore. D'accord. Donc, on aime les choses qui sont mélangées ensemble. On parle absolument pas de Cronut ici. On parle plutôt de la Crowbell Extreme 2. Hein? Donc, mélange de différentes affaires. C'est quand même assez le fun. C'est une crowbar. OK? Une barre à clous, ça, je pense qu'on appelle en français. Une pelle. OK? Mélangée ensemble. Un pied de biche. Un pied de biche. Et une pelle. Donc, une pelle de biche, si on veut. Et donc, on a décidé d'ajouter aussi un marteau, une scie. Et un ouvre-bouteille. Évidemment, pourquoi ne pas mettre un ouvre-bouteille dans le temps ici? Un ouvre-bouteille. Ben oui, tu sais, gars de la construction, une fois que t'as fini ta job, t'ouvres ta petite bière. Tu sais? Moi, ça vient me chercher. C'est juste logique. Donc, c'est à l'épreuve de l'eau. C'est à l'épreuve de l'eau parce qu'il y a un petit compartiment qu'on peut mettre des affaires dedans. Donc, tu peux rajouter de l'argent. Moi, j'étais comme, qu'est-ce qui est à l'épreuve de l'eau? Il me semble que toutes les pelles sont à l'épreuve de l'eau. La plupart, on les laisse en fait dehors en tout temps et puis ça rouille même pas. Donc, ouais, il y a un petit compartiment pour acheter des trucs dedans. Et en plus, on peut. Donc, ça se plie en plus. Oui, ça se plie. C'est ce que je voulais comme ça détail. Ça doit être moins solide. Bah! Hey, c'est comme les balais à neige là, qui télescopiques. Là. Ouais. Juste ça. Je veux dire, tu fais pas de la grosse job, puis ça pète. Imagine une pelle. Non, et t'as-tu vu, en plus, le côté scie, là, ça peut être une scie heavy duty, ça non plus. Là. Tu vois pas grand-chose avec ça. Ben ça peut être utile, ça peut te... Ça peut te sauver, ça peut te dépanner. C'est ça. Pourquoi ne pas mettre ça sur une pelle, tu sais? C'est donc... Tant qu'à ça, ils ont mis un ouvre-bouteille. Tu sais? T'as-tu vu, il est dans la pelle, l'ouvre-bouteille, en plus, dans la portion pelle. C'est un peu difficile à imaginer de visu, là. Là, t'as plein de bouettes, là, pis de terre, pis là, t'ouvres ta bière, pis tu bois de la bouette. Miam! C'est la Crowbell Extreme 2 sur ThinGeek pour 140 $. Ensuite, on reste à l'extérieur. L'été s'en vient, on va pouvoir s'acheter un barbecue, un tout nouveau barbecue. On aimerait pouvoir le laver plus facilement parce qu'on s'entend que c'est pas la chose la plus facile à laver, un barbecue. C'est pour ça que je l'ai fait faire à mon chum. Tu vois, c'est pour ça que moi, je dis non merci. Non merci. Donc, c'est le Grillbot. C'est un outil, un robot, en fait, de nettoyage de votre grille. Tu veux dire pour griller, rôtir les fesses? Le Grillbot? Si seulement. Non, pas ça. Non, pour que je sois complètement genre pâle partout, mais vraiment bronzé les fesses. Donc non, c'est ça, c'est fait pour gratter en fait tout ce qu'il y a de graisseux et de brûlé sur votre barbecue. Vous mettez ça sur la grille, vous appuyez sur un bouton, vous sacrez votre camp. Oh! Il y a 3 petits moteurs électriques inclus à l'intérieur, un sensor et puis un CPU, donc un processeur sophistiqué. Tout ça travaille ensemble pour contrôler le mouvement, la vitesse, la direction de ces trois brosses cylindriques qui vont au lave-vaisselle et qui sont remplaçables. Tu vois, je traduis l'anglais qui était « Replaceable and dishwasher safe cylindrical brass brush wheels ». Avec dessus 10, 20 ou 30 minutes de mode, donc ça c'est de durée. Donc ça peut nettoyer pendant 30 minutes, c'est vraiment heavy duty comme ménage à faire. Ça peut être utilisé sur un grill qui est tiède ou froid, donc en dessous de 250 degrés Fahrenheit. Et ça va pas graffiner votre acier inoxydable ou les surfaces de porcelaine, nous dit-on. Ben là c'est cool, c'est un peu le même principe que les balayeuses, les robots balayeuses. Les Roomba. OK, puis combien? Combien ça coûte? Parce c'est la question qui tue, ça, je pense. Hein? Parce que si j'en veux un. T'en veux juste un? J'en veux deux, moi. Fait que je te bats. Mais j'ai rien qu'un barbecue. C'est 120$ sur Hammacher Schlimmer. Ouais. Ça vaut la peine. Sur 5 ans, mettons, imagine rentabiliser ça. Un, ça dure 5 ans. Puis deux, moi, je le fais déjà pas. Faudrait que je l'offre à mon chat. C'est un beau cadeau. Tiens, fais le ménage avec ça. On reste dans le domaine du téléguidé avec une mop contrôlée par télécommande. Ainsi qu'une poubelle. Une poubelle téléguidée aussi. Donc, c'est évidemment, c'est contrôlé par fréquence radio. C'est une compagnie de voitures téléguidées, Kyosho, qui amène cette ligne de gadgets télécommandés. Donc, une poubelle, une mop et une boîte de mouchoirs pour le visage. C'est pas génial, ça. Donc, pour garder votre appartement, votre maison semi-propre pendant que vous faites des choses un petit peu plus importantes, ça fait partie de la série Kyosho Egg Lineup, qui est seulement disponible au Japon, malheureusement. Donc, le Kyosho Egg RC Sugoi Mop fonctionne avec deux piles, quatre piles 2A. Et puis, la télécommande prend une autre paire de piles 2A. Donc, vous allez passer à travers de vos batteries assez rapidement. Le côté Mop mesure 8,6 pouces de long par 4 pouces de large. Donc, c'est plus comme un genre de... C'est plus une affaire pour faire de l'époustage que vraiment faire un gros ménage sérieux. Ben oui, je m'excuse, mais avec ça... Ben, l'époustage, OK, ça marche pas. Un, si tu veux laver ton plancher, ça prend quand même une certaine pression, là. Ça, on s'entend, tu peux pas zigonner sur une tâche. Puis, tu peux pas vraiment frotter. Puis, pour épousseter, tu peux me dire comment ça fait pour monter ses bureaux? Faut que tu le déposes à la table, puis là, guide avec ta télécommande. Hey, non. C'est pour enlever les poils de chat. C'est pour, mettons, tu sais, si t'es pour faire le ménage, tu pourrais le partir, ça, à tous les jours. Ben, pas le partir parce qu'il faut que tu le télécommandes. Ben, c'est ça, faut que tu le fasses. Ça devient dur et long. Comme le robot de tantôt, là. C'est un peu lourd. Ça me tente pas plus de faire ça, là. Je pense qu'on va plus s'acheter un Roomba. Hein? Ben, tellement. Ça, Roomba, c'est utile. Donc, le RC Go Remote Control Trash Can, c'est une poubelle de 11 pouces de haut avec des roues qui, et tout ça fonctionne sur 4 piles 2A et 2 autres pour la télécommande. Donc, 30$ plus 32$ de shipping. Celui-là est disponible donc au Québec. Et finalement, il y avait la boîte de mouchoirs, le Hobby Cart, pour 45$. Voilà. Ça, j'aimerais ça. Ouais. La boîte de mouchoirs. Quand t'en as besoin. Hein? Ben, je tout le temps, là, tu regardes la télé, c'est comme... Son Wikinex, mais tu sais, son temps juste un petit peu trop loin. C'est pas te lever. Ah, tu sais en plus que c'est l'épisode où il se marie, tu sais, que tu vas pleurer. Fait que tu veux pas arrêter ton épisode lors d'une pause, tu sais, mettons. Fait que tu demandes à ta boîte de mouchoir de t'en venir. Yeah, c'est là que ça se passe, là, ils vont se marier. C'est pratique au bout. À condition que ça roule sur le divan. Et voilà. Et moi, ma boîte de Kleenex est sur une tablette désert. Bon, ben, elle va te tomber sur la tête, parfait. Pas correct. Ensuite, on parle de montre. Une montre d'arcade, mais malheureusement, c'est pas aussi le fun que ça en aurait l'air. Malheureusement, c'est vrai. C'est un mini arcade qu'on porte sur le poignet. Donc, ça a les sons de piou-piou classiques et les lumières qui clignotent. Par contre, ce que ça n'a pas, c'est un jeu auquel jouer. OK, c'est juste beau. Ouais. C'est décoratif. Le petit joystick et le bouton, tout ce que ça fait, c'est faire des flashs de lumière et des sons. Donc, il n'y a aucun jeu à jouer. L'écran LCD et puis la puce à l'intérieur, donc ça nous dit que c'est pas assez sophistiqué. Par contre, on sait qu'il y en a des machines qui sont capables de faire ça, donc il aurait dû combiner les deux. Les montres intelligentes de nos jours sont tellement populaires qu'on peut bien intégrer ça dans une montre avec un petit joystick et un piton, là, hein? Ben oui. S'il vous plaît. Quand même 60$, juste pour des lumières, des pupilles. Mais elle donne-tu l'heure? C'est important, ça. Mais c'est ça, les petits symboles là qu'il y a autour du milieu, là, t'as comme un petit triangle. Un pentagone, puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, un hexagone. C'est un peu comme les pierres c'est pas astéroïde, je pense que les pierres, tu dois détruire les pierres. Je pense que les pierres représentent les heures et les minutes d'après moi. Je pense qu'il est 4h moins 10. Ça se pourrait. J'imagine que la grosse pierre, c'est les heures. Mais ben, c'est ça, puis le petit triangle, ça doit être les secondes. Moi, je pense qu'il est 4h moins 10. Ça se peut. Mais c'est un peu long. Donc 50$ en stock en ce moment, plus le shipping chez ThinkGeek. Ah, celui-là, tu vas l'aimer. Ah, il y a un cheveu dans mon micro, ça donne sa pique dans le nez, ça. C'est intéressant. Moi, je sais. C'est comme un genre de chatouille. Ouh, c'est excitant. Donc, quand tu veux faire le ménage, évidemment, Steph, des affaires téléguidées, c'est bien le fun, mais quand tu veux à l'intérieur d'un pot, mettons d'un pot de fleurs, c'est pas une télécommande qui va t'amener là, tu sais. Ouais. Vraiment pas. Il te faut le Magnetic Spot Scrubber. C'est vraiment fantastique. C'est un petit outil de nettoyage pour se rendre dans les endroits difficiles à atteindre. Donc, que les brosses, les éponges, les autres trucs avec des, ne fonctionneront pas. Comme un décanteur à vin. Un décanteur à vin. Ça se lave pas, ça. Impossible. Tu fais tremper ça pendant des heures. Là, ça va peut-être finir par être propre, mais ce ne sera pas aussi propre que si tu l'avais frotté. Hein? Puis surtout qu'il sert comme décoration, si on veut. Donc, il est à l'extérieur d'une armoire. Donc, il pogne pas mal la poussière. Fait que finalement, on s'en sert juste pas. Parce qu'il faudrait le laver avant et après. Exact. Le décanteur sert de décoration. Exactement. Si on veut. Mais on veut pas. Donc, c'est une brosse de silicone magnétique et le poignet tout aussi magnétique. Donc, tu échappes, tu lâches, tu sacs, tu tabarnouches le cossin dans le fond de ton décanteur. Et l'autre truc est magnétique, donc ça va poigner après. Okay? Et là, tu remplis évidemment le vase ou peu importe d'eau et de savon. Et tu peux frotter par l'extérieur, par magnétisme, c'est ça va frotter. C'est vraiment cool. C'est pas malade, ça? J'adore ça. Je sais pas si c'est... Il devrait pas avoir beaucoup de pression. J'imagine que tu as des grosses taches, ça fonctionne pas. Mais du liquide, faut du que tu fasses tremper un peu, trembler. Trembler. Tu fasses tremper un peu, j'imagine. Mais non, ça, c'est vraiment cool. C'est par Cuisipo. C'est le Magnetic Spot Scrubber. Allez retrouver ça sur assemblagerequis.com. Et si vous voulez le prix, c'est 12$ sur Amazon. Oh, mais c'est pas cher. Non. J'en veux un. J'en veux deux encore, je sais pas. Ensuite... Ah! Ça me fait rire faire ça. Je m'excuse. Oui. Non, c'est parce que dans la vidéo... Mais il monte, tu sais, la conne avec sa brosse qui est comme quatre fois trop large en plastique. Puis elle essaie de rentrer dans le petit trou. Ah, le modèle InfoPub. On aime ça. Oh. Tu sais, flashback à tantôt ou encore prémonition. Tu sais, comme on fait des fois dans les émissions, on fait des prémonitions comme pour annoncer que plus tard, il va y avoir quelque chose. Puis là, quand ça arrive, tu fais comme « Wow, ils n'ont parlé tantôt ». Tu sais, quand tu grattes le nez, parce que je sais pas, t'as un cheveu sur ton micro. Tu embrasses un fou. Non, t'as un cheveu sur un micro, mettons. T'as un cheveu, ouais. Mettons. Là. Avec l'autre micro de pic. Ouais. Mettons. Bref, ce serait le fait de pouvoir se décrotter le nez en public. En branchant un appareil USB, par exemple, ou dans une prise de courant, mettons, OK? Donc, je vais te dire ce que ça veut dire, tout ça. C'est un gros nez que tu branches dans ta prise de courant et tu peux, après ça, brancher tes appareils dans le nez à la place de dans la prise. C'est oh, fun, c'est hein? Laid. C'est inutile. Il est en rose, en blanc et en noir. Toutes les races du monde. En plus, tu perds une prise. En plus, tu perds une prise parce que ça doit marquer les deux prises sur l'image. En tout cas, c'est ce que ça fait. Donc, c'est le Hanaga Tap. Donc, la prise de courant de nez. C'est ça. C'est tout. Ah, oh, c'est laid. C'est vraiment laid. Ensuite, tiens, parlant de nez, quel hasard. On aime tous les Cinnabon, tu sais, les petites pâtisseries à la cannelle et au crémage somptueux. Tu te rappelles aussi de la compagnie Airwick qui fabrique les plugins qu'on branche dans le mur et puis qui fabrique des petits parfums qu'on met dans le salon, etc. etc. Donc, ils ont sorti Airwick Cinnabon Scented Air Freshener, hein? Parce que des fois, les odeurs de votre maison se mélangeront pas très bien avec les saveurs, les senteurs de fruits, les différents parfums qu'on met d'habitude. Donc, à la place, on peut remplacer ça par des brioches, Colin. C'est beaucoup plus intéressant. C'est donc cannelle et fromage à la crème. Mais je sais pas, ça doit toujours t'ouvrir l'appétit, non? Tout le temps. Moi, honnêtement, si ça sent et que je peux pas croquer dedans, là, je vire folle, là. Oublie ça, je mange les murs avec ça. Mais bon, pour occasion spéciale, peut-être lors d'un brunch ou quelque chose comme ça. Ensuite, une lumière de nuit assez spéciale, c'est la Prism Nightlight. Prism comme un prisme ici, non pas comme prison, là. Comme une prison, on se comprend ça. Donc, il n'y a pas de bouton, pas de rien du tout. Non, en fait, la lumière est son propre bouton. La lumière est équipée de sensors, de senseurs, qui vont permettre d'allumer et d'éteindre cette lumière de nuit, cette veilleuse. Donc, c'est la lampe au complet qui fonctionne un peu comme un système de bascule, comme dans les parcs pour enfants. Ah, oh, OK! Le petit manège basculesque. Donc, quand tu l'appuies d'un côté, ça éteint. Quand tu l'appuies d'un autre côté, ça allume. Oh, c'est cool! C'est joli, hein? C'est un design de Nicholas Baker. Prison Night. Il est vraiment belle. Mais, hein? Oh! Très cute! Ben là, je la veux. Ah, t'en veux beaucoup, les affaires, là. Ensuite... d'habitude, pas tant que ça, pas tout le temps, là. C'est une belle semaine, je pense, hein? Ouais? Une belle semaine. Quand on a un parapluie, je sais pas si t'as déjà essayé les parapluies. Il y en a qui sont escamotables, si on veut, qui peuvent se refermer sur eux autres. Ça va juste faire un genre de petit bâton très, très mince qu'on peut mettre dans son sac à dos, dans sa sacoche. Ouais. Mais il y a aussi les grands parapluies qui sont en un seul morceau, là. Qui sont pas pliables, qu'il faut faire à côté contre un mur. Puis qui sac tout le temps le camp à terre. Qui sac tout le temps le camp à terre. Dans le temps, dans les cafés ou les bars, t'avais des petits racks à parapluie. T'sais, maintenant, on voit moins ça parce qu'ils sont rendus tous escamotables. T'sais. Mais quand même, il y en a qui aiment le look des anciens parapluies, donc qui sont pas compacts et qui ne se ferment pas ou s'ouvrent pas avec un bouton. Donc, pour résoudre ce problème-là, c'est Liang Hak Po et Ming Hung Lin qui ont inventé le Flexibler. C'est un parapluie flexible avec... Ben en fait, c'est juste la poignée qui est flexible. On peut plier la poignée, la tordre de la façon qu'on veut pour stabiliser contre un mur. Donc, ça va faire son propre stand, si on veut. Donc, on peut vraiment... Mettons, bon, le gars, tiens, ça, il a mis son parapluie accroché après son sac à dos et il a tordu la poignée. Ah, oh, c'est cool! Comme un attache-poubelle. Il est sur le bord, mettons, il est dans un cours, sur une table. Donc, il a juste à écartiller, faire un genre de 90 degrés avec la poignée de son parapluie et l'accrocher contre la table, sur la table. Très cool. C'est très bien fait. Donc, quand t'es prêt à l'utiliser, tu remets la poignée en forme de poignée. Il n'y a rien là. Flexibler, qui est un gagnant du Red Dot Award pour un design concept en 2013. Donc, design concept, leur dire que c'est un concept, donc pas encore achetable. Mais un jour, ça va venir. Si ça gagne un prix, d'après moi, ça va le motiver pour faire le ben reproche. Oui. Mais est-ce qu'il y a juste le petit turquoise pastel de Pâques comme choix de couleur? C'est tout ce que j'ai vu à date. Okay. C'est celui qui a gagné le Design Award, mais j'imagine que si ça allait sur le marché, il y aurait plus de couleurs et peut-être des plus belles couleurs. Ben non, mais il est beau, ça fait juste pas dans ma palette. Non, c'est ça. Moi, je trouve ça très féminin, mais c'est une belle couleur quand même. Ensuite, on va aller avec tiens, pour les parents. Donc, le piggyback rider. Quand vos enfants vous disent « Bon, est-ce que je peux monter sur tes épaules? Hein? » Ben, quand des fois, ça peut faire mal au dos. Des fois, t'as des problèmes de dos, tu peux juste pas le faire. Et puis là, ben, ça va donner une mauvaise enfance à ton enfant qui va devenir un criminel endurci. Bon. Donc, le piggyback rider peut soutenir des enfants jusqu'à 60 livres. Et c'est aussi facile que de mettre un sac à dos. Donc, c'est comme un harnais de sécurité, genre avec des poignées intégrées. Donc, tu mets ça sur ton dos et ton enfant peut mettre les pieds sur les poignées qui vont t'arriver un petit peu genre sur les côtés des hanches, si on veut. Oh. Donc, l'enfant va être très confortable. Il va être sur ton dos. Tu n'auras pas de problème de dos. C'est super ergonomique. Il y a une distribution de poids. Donc, c'est vraiment, ça a été pensé pour ça, pour le confort ergonomique. Donc, c'est fait de mousse. Il est disponible en plusieurs modèles pour plusieurs besoins, plusieurs grandeurs d'enfants. Il y en a aussi qui ont de l'hydratation intégrée, donc de l'eau avec une paille, pour que tu puisses transporter ton enfant sur ton dos et ton eau. C'est très cool. Tu sais, quand tu vas dans des spectacles, des fois à l'extérieur, avec beaucoup d'enfants, là, tu sais, t'as ton enfant qui est comme... Parce que je vois pas en avant, là. Fait que tu peux monter sur tes épaules, t'es sûr qu'il va pas se planter, que tu vas être confortable. Que, cool, que d'avantage. Et en plus, c'est seulement 85$ pour quelque chose qui va vous durer très longtemps. C'est fait de matériaux très durables. J'ai envie d'en faire quelques derniers, mais j'aimerais ça terminer bientôt. Allons-y avec un tableau blanc. Tu sais, des tableaux blancs avec des crayons feutres. Quand tu dessines sur un tableau, tu peux l'effacer après. Ouais. Bon, mais celui-là, tu pourrais dessiner la face de quelqu'un parce que c'est un tableau blanc avec une face intégrée. Donc, elle a la forme d'une face, comme si la face avait été pressée dedans. Donc, elle ressort du tableau blanc. Et on peut dessiner donc moustache, yeux, cheveux bizarres. C'est un peu n'importe quoi. C'est le Twisted Board 3D Face Whiteboard qui est disponible sur Internet. On peut utiliser n'importe quelle couleur, n'importe quel style de crayon qui vont sur des tableaux blancs et n'importe quelle débarbouillette ou quelque chose comme ça pour l'effacer. Je suis tellement pas bonne en dessin... Ça va sortir, ça va avoir l'air d'une cafetière. D'une cafetière. Ah, c'est clair. Ça coûte 25$ chez ThinGeek. Et le dernier, si on va terminer avec ça, c'est pour ceux qui portent des lunettes de soleil tout le temps. Des fois, ça peut être difficile de tenir tes lunettes de soleil sur ta tête. C'est pour ça qu'il y a des gens qui portent une casquette, parce que les casquettes tiennent bien les lunettes. Mais quand tu te penches par en avant, ça tombe pareil. Ou que t'enlèves ta casquette, t'oublies que tes lunettes étaient là, ce qui arrive constamment à mon chum. Constamment. Combien de paires de lunettes a-t-il explosé de cette façon? Pauvre gars, on a plein de compassion envers lui. Donc, voici les Shade Stays, qui est c'est une sorte d'agrippeur, si on veut, d'agrippe lunettes qui s'attache sur les casquettes et qui tiennent vos lunettes en sécurité. Donc, les Shade Stays s'attachent à n'importe quelle casquette. Il y a un morceau magnétique qui va à l'intérieur de la casquette et puis l'autre morceau qui va à l'extérieur et puis tes lunettes sont insérées dans ce truc-là. C'est magique. C'est cool. C'est tout pour Ça existe, mais ça ne devrait pas. On fait ça habituellement les mercredis à son âge. Ben oui. Au retour, François Landry et sa chronique Logocratie 101. Merci. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. C'est quoi, parce qu'il y a des gens qui sont venus se brasser la tête contre nos micros. Hier, je sais pas pourquoi, il y a des poils, des cheveux sur tous nos micros. Ouais, là, c'est attention. Débile, hein? C'est bizarre. Bon retour à Assemblage Requis. Alors, ce jeudi 6 mars 2014, je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. On est en compagnie de François Landry. Est-ce que tu as vu des cheveux sur tes... C'est sûr, c'est pas les miens. J'en ai tellement pas. Come on! Une self-pin. C'est comme un selfie de la pin. La pin, on dit. On dirait que le mot la pin là-dedans, ça... La pin. OK, la blonde du lapin. La blonde. Ben, la maîtresse aussi. C'est des lapines. Toutes des lapines. Je sais pas, quelque chose politique, blablabla, lien politique. Logocratie 101. S'il vous plaît. Je pense même plus. Là, mais il y en a un lien, je vais te le dire après. Où est la pile? Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Ah, sans moi, les potins qui trompent qui sort avec non, qui. Non, okay, non, non. On parlait de lapin, de lapine, de lapin en chocolat. Pâques, c'est bientôt. Ouais. Hier était le début du carême. Ouais. Hier était le début du déclenchement des élections. Oh, wow! Le lien est là. Le lapin, wow! Ben, moi, ça mérite un applaudissement. Ben, ça, le carême, c'est le beau, tout ce qu'on n'a pas de fun. Fait que c'est ça, le lien. Nos parents n'ont pas le fun, nous autres. Nous autres, on s'en fout, on peut juste pas l'observer. Donc, ton sujet aujourd'hui, François Landry, c'est aux urnes. Oui. Apparemment, j'entends dire, on me souffle à l'oreille, breaking news, assez fou, c'est tout nouveau, en première place, on le dit pour la première fois. Il va y avoir des élections. Oui, monsieur. C'est, je vous l'avais dit. Brand new information. Hein? Ça fait 3 ans que je vous le dis. Un moment donné, il va y avoir des élections au Québec. J'ai enfin. T'avais mis là-dessus. Oui. Mais bon, pour faire amende honorable, j'avais dit le 14 avril. Ça va être le 7 avril. Ah, ben, t'avais dit les deux... J'avais dit les deux dates. 7 ou 14 avril. Mais le 14 avril, j'avais dit aussi que c'était la date anniversaire du naufrage du Titanic. Donc, c'est pas ça le même jour. Pauline Marois a pas aimé ça. Fait qu'elle a dit, je vais devancer, t'sais, avant que le navire sombre, avant que le PQ sombre. Elle a tweeté ça sur Twitter. Elle a dit, moi. You are correct, sir. Puis, yeah, dans une good English, c'est ça. Oui, on sait que Pauline est fluide dans les deux langues. Le 14 avril, c'était pas la date où t'avais dit qu'il n'y avait jamais eu d'élection, c'est ça? Ou c'était oui, les élections. Le 31 mars, il n'y avait jamais d'élection. OK. Le 7 avril, c'était la date probable, mais il n'y avait jamais eu d'élection au Québec le 7 avril, mais c'était une date qui n'a jamais donné, en fait. Et le 14 avril, c'était le naufrage du Titanic, la date anniversaire de l'élection du Parti libéral le 14 avril 2003. Et il y en avait une autre, l'astrologie, là, je sais plus trop quoi. Il y avait quelque chose de même. 14 avril, mon Dieu, c'est quel signe, ça? C'est pas Bélier? Bélier. Oui, c'est Bélier. Ouais, c'est Bélier. Oui. On cherchera ça des livres d'astrologie 2014. Hein? Chance matérielle. Vos chiffres chanceux sont le 3. C'est ça. Ah, mais donc, je viens de me rappeler, tu as dit exactement la même chose il y a 2 semaines. Oui, c'est ça, je sais. C'est la seule affaire d'astrologie chance que je connais. Chance matérielle. La seule chose. Bon. Ouais. Donc, la première ministre du Québec, oui, Pauline Marois, a provoqué hier matin la tenue d'une élection générale provinciale en demandant au lieutenant-gouverneur du Québec, Pierre Duchesne, à ne pas confondre avec Pierre Duchesne, le ministre de l'enseignement supérieur. L'erreur est facile à faire. L'erreur est facile à faire. Il y en a un qui est sympathique, puis l'autre, c'est qui, ça? Hein? Pierre Duchesne, non manquant. Oui. Oh! Oh! Hey! J'allais observer. Hey! Donc, elle lui a demandé de dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui mettra fin au mandat des députés. Au mandat seulement. Pierre Duchesne est le représentant de la reine au Québec. C'est le lieutenant-gouverneur relève du gouverneur général du Canada qui, lui, relève de la reine du Québec. De par la Constitution, de par les juristes, on n'a pas le choix d'aller voir Pierre Duchesne pour lui dire « Hey, good buddy, je veux des élections, faut que peux-tu dissoudre la Chambre? » Il n'a jamais refusé, sauf une fois. Ah. Pas au chalet, mais il a refusé une fois dans le Canada, un lieutenant-gouverneur a refusé le déclenchement des élections parce qu'il avait jugé ça trop opportuniste et aussi parce qu'il y avait eu, pas un conflit, mais un climat de tension palpable dans la province. Donc, il a dit « Je refuse, on va reporter ça dans 6 mois ». Mais là, au Québec, il est purement emblématique, le lieutenant-gouverneur. Donc, on a vu Pauline sortir de l'Assemblée nationale, se diriger vers le bureau dehors à pied, puisque comme tradition l'exige. Donc, à pied, un petit talon haut sur des trottoirs glacés. Elle est allée cogner à la porte, 5 minutes, que ça a pris. Elle est ressortie pour dire « On est en élection. » 120 000 $ qu'on paye par signature, ce gars-là. On en parlera. Donc, pour que l'électorat soit convoqué, le conseil exécutif du gouvernement... Sur recommandation de la première ministre, parce que c'est elle qui détient le pouvoir absolu de déclencher des élections, c'est son seul gros rôle qu'elle détient sur les autres, a adopté un décret ordonnant la dissolution de l'Assemblée. Ce décret est suivi d'une proclamation du lieutenant-gouverneur par lequel ce dernier procède officiellement à la dissolution. C'est très protocolaire. Ce mercredi, donc, la première ministre avait convoqué son conseil des ministres pour 9h. À 10h, elle donnait une conférence de presse. À 10h05, l'Assemblée était dissoute. Donc, c'était très intéressant à regarder à la TV. Puis ça a des belles images. Donc, l'électorat est convié aux urnes le 7 avril, soit 19 mois après le scrutin du 4 septembre 2012. On s'en souvient tous. Ouais. Après le conflit étudiant, le gouvernement avait beaucoup de... Les étudiants avaient beaucoup d'espoir, ce gouvernement-là, la population aussi. Donc, 4 septembre 2012, 19 mois plus tard, 7 avril 2014, élection. Tout le monde chiale évidemment sur les dates fixes là, sur Facebook en ce moment. Tout le monde dit... Oui, c'est au mois d'octobre. C'est au mois d'octobre, les dates fixes. J'en ai parlé la semaine dernière sur comment ça fonctionnait. Et là, tous les ministres, les députés qui sont venus au secours, la Madame Marois, pour dire... Dans une situation idéale, c'est des dettes fixes. Là, on n'est pas dans une situation idéale parce qu'on a besoin d'avoir, pas les deux mains sous le volant, parce que ça, c'est Jean Charest à l'époque, mais on veut être en voiture, là, vraiment être libre de faire ce qu'on veut. Parce qu'un gouvernement majoritaire au Québec et au Canada fait ce qu'il veut. Il est majoritaire lorsqu'il adopte les lois, mais il est aussi majoritaire dans les commissions qui font adopter les lois. Donc, il décide tout, à moins que les journalistes s'en mêlent et qu'ils découvrent quelque chose de croche. Mais majoritaire, c'est une dictature démocratique. Ben c'est ça. Pauline Marois serait comme la reine ou ma royauté. Oui. Ma royauté. Oui, c'est bon. Avant la dissolution imminente de l'Assemblée nationale, la députation se composait de 125 députés au Québec. On se rappelle qu'au Canada, c'est 315. Au Québec, c'est 125. Il y en a 54 du Parti québécois, 49 du Parti libéral, 18 de la Coalition Avenir Québec, 2 de Québec solidaire et il y a 2 députés indépendants. Fatima Oudin-Pépin, qui s'est fait claquer la porte au nez par Félix Couillard, j'en avais parlé ici aussi, et Daniel Raté. Bruit de criquet. C'est un péquiste c'est un ancien proche de l'ADQ qui s'est fait élire péquiste quand il a vu l'opportunité et il a démissionné pour devenir caquiste, mais... Quand il a vu l'opportunité, donc. Oui. Et la CAQ lui a montré la porte par la suite. Aïe, aïe, hein? Il est apprécié, le gars. On s'entend-tu que ce gars-là, il se fait élire pour le plaisir d'avoir une retraite bien dorée? Donc voilà. Je sais pas, d'après moi, il se représente pas aux prochaines élections. Aucun parti le veut. C'était Un pauvre petit pit. Ouais, un pauvre Roger. Il a raté sa chance. Vos commissions scolaires étaient sûres de te faire élire les personnes qui se présentent. Donc, la présidence de l'Assemblée nationale est assumée par le député libéral de Westmont-Saint-Louis, Jacques Chagnon, celui qui est plus sympathique encore que à l'ordre, s'il vous plaît, monsieur, à l'ordre. Ça, c'est Yvon Vallière, oui. Malgré la dissolution, le président et les vice-présidents continuent d'occuper leur poste et d'exercer leurs fonctions au bureau de l'Assemblée nationale jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou élus de nouveau. Donc, tout fonctionne bien. C'est pas parce que des élections que tout arrête au Québec. Les 26 ministres, par exemple, demeurent ministres jusqu'à temps que leur successeur soit assermenté. Donc, ça peut prendre... Après même les élections, même si le gouvernement a perdu ses élections, le ministre demeure ministre jusqu'à temps que l'autre soit assermenté. Au cas où, tu sais, pour qu'il y ait une continuité. Oui. Oui, des élections, donc, mais rien n'est joué pour Pauline Marois. Elle veut un gouvernement majoritaire et elle peut espérer le faire le 7 avril grâce à un appui de l'électorat francophone. Pardon. Il y a eu un sondage qui est paru hier en même temps que le déclenchement des élections qui montre que le Parti québécois obtient maintenant 45% des intentions de vote chez les francophones. Un bond de 2 points depuis janvier. Pas mauvais, hein? C'est très, très bon. C'est quasiment la moitié des francophones qui voteraient pour elle. C'est un chiffre magique, on s'en souvient. Je vous avais parlé des chiffres. Quand on veut être un gouvernement majoritaire, ça prend au moins 34% des votes dans l'électorat. Et si on veut former vraiment un gouvernement majoritaire, ça prend 43 à 45% du vote francophone. Oh, ils topent ça pas mal. Ils sont, top, là. Ouais. Puis ils sont même au-dessus de ce qu'il faut. Donc, fort à parier si vous avez un petit 2, gouvernement majoritaire péquiste, au moment où on se parle. Là. On prend une photo aujourd'hui, il y aura un gouvernement majoritaire. Est-ce que c'est un gros revirement de situation, ça, il me semble? Non, c'est une suite logique parce qu'on l'avait vu depuis le décembre dernier, les sondages qui montraient que le PQ était en ascension constante, sans pogner de plateau, si on veut. Donc, c'était prévisible à savoir jusqu'à quelle hauteur ça... Seuls les sondeurs peuvent nous le dire. Mais la déconfiture de la CAQ, le PLQ, qui est le Parti libéral, qui a de la difficulté à imposer Phil Couillard comme chef, fait en sorte que Pauline Marois, on n'est pas contre elle. Bon, c'est juste qu'on est contre les autres. Donc, on n'est pas pour elle, c'est-à-dire on est contre les autres. C'est pour ça qu'elle grimpe comme ça. OK. Donc oui, 45%, c'est le chiffre magique pour obtenir la majorité grâce au vote francophone. Le PQ a maintenant une avance de 22 points sur les libéraux chez les francophones. Donc, c'est insurmontable pour Philippe Couillard. D'ailleurs, Philippe Couillard qui est dans la région, qui va revenir souvent dans les régions pour montrer que hey, les francophones, j'ai besoin de vous autres. C'est pas le Parti libéral, c'est pas juste le parti des immigrants ou des anglophones de Montréal. C'est aussi les régions. Donc, on va le voir souvent. Il était d'ailleurs à Yamachiche hier. Avant-hier, il était à Trois-Rivières. Il va sûrement revenir encore dans le coin. Oui, le PQ détient aussi une avance dans 80 circonscriptions du Québec chez les francophones. C'est la grande majorité des circonscriptions, puisqu'il y en a pas mal dans l'ouest de Montréal et en Outaouais qui sont anglophones majoritairement. Mais tout ça pour dire qu'il pourrait aller chercher quasiment 80 circonscriptions. C'est utopiste de penser ça, mais ils ont un terrain de jeu de 80 circonscriptions. C'est possible, même si c'est pas probable. C'est ça. Ça leur prend 63 circonscriptions pour être majoritaire au Québec. Mmh. Donc là, présentement, ils en ont 56. Il leur en manque pas gros, il leur en manque 7. C'est prenable. Juste en prenant la Mauricie, ils peuvent devenir majoritaires. Si cette avance n'est pas confortable, la tendance depuis novembre est d'observer une hausse constante de l'appui grâce, entre autres, à l'effet charte des valeurs et de la laïcité et blablabla. Mais la charte, elle stagne. Elle est à 48%. Donc, c'est grâce à la charte, oui, chez les francophones, mais pas chez les anglophones, puis les immigrants, ils n'en veulent pas de la charte. Autre phénomène positif pour Pauline Marois, pour la première fois de son histoire, le Parti québécois est en avance chez les 45 ans et plus. Ce qui fait dire que le PQ est devenu le parti des baby boomers. Ceux qui ont grandi avec le Parti québécois en 68, donc en 68, les baby boomers avaient 20-22 ans. Donc, ils ont grandi avec René Lévesque, donc à chaque élection, ils l'ont suivi. Et on sait que traditionnellement, les gens âgés vont voter. Ben, les gens âgés. Les gens plus âgés que nous vont voter en masse. Nous, les jeunes, on a un cynisme ou un non-intérêt face à la politique. Surtout cyniste, toi, Mathieu. Oui, surtout cyniste. Vraiment. Oui, oui. Ouais. Et donc, on va voter, mais ça, à la hauteur de 25 % à peu près chez les jeunes. De jusqu'à 35 ans, de 18 à 35 ans, c'est 25 % des jeunes qui vont voter. T'es des freaks comme moi. Il y en a pas gros. T'sais, dans mon cercle d'amis, je suis comme le seul à triper. À triper, mais les autres votent quand même. Ouais, moi, ils peuvent aller voter. Mais ils vont voter. Oui, ben tu vas voter, oui. Tu connais pas autant le sujet, par contre, c'est ça. Non, tu vas voter, c'est l'important. Ouais. Que tu t'intéresses à ça, c'est libre à toi. Comme Mario Bros, j'aime pas ça. Merci. Mais je joue à Mario Kart. Ah, cool. Ben, tu vois, on peut s'en rejoindre à quelque part. Ben, voilà, tout ça fait. Oh, my God. Donc, ça pourrait. Donc, le vote en masse des 45 ans et plus pourrait mettre fin à la fameuse prime à l'urne. La prime à l'urne, c'est un concept au Québec, au Canada, qu'on dit les sondages sous-estiment le vote. OK. Donc, toi, Mathieu, on t'appelle un samedi soir pour un sondage. Pour qui allez-vous voter? Puis, moi, je voudrais pas voter. Moi, il y a un film qui joue à TV. Mais le lundi suivant, tu dis oh, finalement, je vais y aller. Stéphanie y va, je vais y aller aussi. Ouais, donc, c'est tellement son genre. Vraiment, avant l'impro, j'y vais. Tu sais. Ouais, c'est ça, tout à fait. Oui, mais parce que le sondeur n'a pas pu prendre ton pouls. Donc, tu dis c'est un jeune, Mathieu, de fin vingtaine. Habituellement, eux autres votent à gauche ou écologiste ou Parti québécois. Donc, on va l'enlever du PQ dans leur calcul. Mais tu y vas. Donc, tu rajoutes une plus-value au PQ, donc c'est ça la prime à l'urne. Donc avant, c'était le Parti libéral. C'est du PQ trois épaisseurs, ça, plus-value. Donc, par ailleurs, tout n'est pas rose pour le PQ qui semble avoir fait le plein des votes, car la satisfaction envers le gouvernement est de 38 %, soit le même 1 % de plus que le taux qu'on lui donne, qu'on lui accorde en termes de vote. Je vais revenir plus tard là-dessus. Donc, le PLQ, par contre, le Parti libéral, le sondage envoie deux messages forts au PLQ qui gagne 2 points depuis janvier. Donc, il est en hausse, lui aussi. Tant mieux. Ben, tant mieux pour lui. Ouais, pour exemple. Pour lui. Premièrement, le chef libéral doit convaincre les francophones qu'il est apte à gouverner. Donc, je vous en parlais, il est venu sans morcer, il veut vraiment voir la région. À la question, par contre, à qui serait le meilleur premier ministre, il n'obtient que 17 % d'appui à égalité avec François Legault. Pauline Marois, elle, 34 %. Donc, à eux deux, il égale Pauline Marois. Donc, ça prendrait une fusion CAQ libérale. Ben, quoi que ça s'en ressemble pas mal. Mais ils pourraient fusionner pour espérer battre Pauline Marois. Deuxièmement, M. Couillard devra convaincre les électeurs caquistes de virer capot, de l'appuyer pour bloquer l'élection de parti majoritaire péquiste. Et dans les premiers discours hier qu'on a entendus, M. Couillard disait un vote pour la CAQ, c'est un vote pour le PQ. Pauline Marois a dit un vote pour la CAQ, c'est un vote pour le Parti libéral. Et François Legault ne pouvait pas dire un vote pour le PQ, c'est un vote pour la CAQ. Il serait con. Il disait juste que voter eux autres, c'est pas voter pour nous. Non. Donc, le vote de la CAQ est friable. Les électeurs anti-péquistes pourraient donner leur appui au Parti libéral. En effet, seule la moitié des répondants du sondage qui disent donner leur appui à la CAQ ont fait un choix définitif. Donc, le Parti libéral est le deuxième choix de 34% des électeurs caquistes. Donc, la prime à l'urne, entre autres, c'est ça. À la dernière instant, tu dis « je veux voter CAQ », mais ici, c'est le PQ qui pourrait passer, fait que je vais voter libéral. Donc, ça augmente les chances du Parti libéral de gagner. Quant au livre blanc sur la souveraineté promis par Pauline Marois, il n'a pas soulevé les passions chez les... sauf chez les purs et durs, évidemment. Donc, dans la population en général, l'appui à la souveraineté stagne à 41%. Et là, depuis 1995. Donc, en chiffre clair, le PQ récolterait 37% des voix. Donc, on disait que ça prenait 33-34% pour être majoritaire. Là, ils ont 37%. Le PLQ est à 35%. La CAQ, 15%. Donc, dégringolade de 21 à 15%. Et le Québec solidaire se promène entre 8-10. Et là, ils sont à 8. Donc, ils sont dans leur marge d'erreur à eux. C'est ça. Dans presque rien du tout. Voilà. Ouais. Donc, on verra bien le 7 avril prochain. Et d'ici là, j'aurai la chance de vous entretenir des programmes du vote des jeunes et aussi de plein d'autres choses. Le fun. J'ai hâte. Ouais. Moi, les blagues, je n'ai pas réussi à placer parce que j'en avais quelques-unes, mais il n'y avait pas vraiment d'endroit approprié. Tu as parlé de l'appui pour quelqu'un. Moi, je disais l'appui et le beau temps. Je trouvais ça drôle, l'appui et le beau temps. Ouais. Surtout que c'est le printemps bientôt. C'est donc, ça. Oui, tout à fait. C'était beau, mais ça ne fitait pas. T'sais. Puis tu avais Couillard, qui vit à Trois-Rivières. Trois-Rivières, ville d'histoire et de culture. Ou s'il venait, qu'on l'appréciait, ce serait ville de Couillard et de culture. Ça rime avec histoire. C'est pour ça qu'on est une ville de Couillard, mais on n'a pas les couillardises. Mais... Ouais, c'est ça, ça ne fitait pas. Merci, François Landry. De rien, M. Plante. Merci de suivre mes gags jusqu'à la toute fin. J'aime ça. C'est le fun, il y a des bonus comme à la fin d'un DVD. C'est ça, c'est des blagues alternatives. On les remettra au montage aux bons endroits si je trouve une place pour la rediffusion. C'est bon. Donc, on se retrouve jeudi prochain à 8h30. Oui, monsieur. Pour le gracie 101. Merci. Toujours assemblage requis dans quelques instants. Il nous reste deux chroniques à faire. Les instructions d'assemblage. Yabba dabba time. Je vais pouvoir péter ta balloune. Oh, mais hein, parce que tout va être faux, sûrement. Et la bouffe de la semaine, là, tu vas pas péter mes balloons parce que Colin, c'est pas quelque chose qui. Non, mais on va enfler la nôtre. Notre balloon. Notre bedin. Oui, c'est ça. Notre bedin breakfast. Voici, on a créé un monstre. Ta langue sale qu'on dédie à vous. À la malbouffe. Non, aux politiciens, j'allais dire. Ah, OK. Les deux fit, dans le fond, quand on y pense. Les deux fit. On va la donner aux deux. Ah. Yeah. Au retour, on vous dit comment vivre dans les instructions d'assemblage, puis après ça, ben, on vous dit quoi manger. Fait que vraiment, on est comme votre mère aujourd'hui. Fait que, Ben, ça dépend. C'est des cochonneries. Ta mère, c'est, ta maman, c'est une cochonnerie. Là, tu parles pas de mal de ma mère! Mon Dieu! C'était raté, ça, comme gag. Mais bon, on comprend le principe. Fait que, tu sais, si c'était bien joué, ouais, ça aurait été drôle. Ouais, t'es un maudit herbeille. Assemblage qui pour toi aujourd'hui? Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées, c'est Stéphanie Paradis. Et lui, c'est Mathieu Plante, la pieuvre! La pieuvre, oui, hey, la pieuvre. Mettons, là, mettons que t'envoies promener quelqu'un, là, OK? Mettons. Tu fais des fingers. Okay? Tu fais un finger, OK? Oui. Là, après ça, t'es vraiment fâché, fait que tu fais un deuxième finger. Là, je suis comme, mon Dieu, comment je pourrais te faire plus de fingers? Ben, toutes les doigts, man, c'est toutes des fingers toutes dans des le fingers. Fond. One finger, two finger, two finger. This finger, nine finger, eight finger. Finger. Vous pouvez continuer à tourner dans votre tête. Et un finger vert. Et maintenant, voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Steph, t'as dormi une voix masculine, premièrement. Deuxièmement, écoute-moi. Hein? Ouais, c'est parce que j'arrête pas de fumer des cigarettes. C'est ça, des grosses cigarettes. En café. On va t'appeler Linda. Donc, pour commencer notre chronique d'instruction d'assemblage, donc on vous dit comment mieux vivre. Commençons avec vos affaires que vous devez protéger des mauvais escients. Hein? Quoi? Genre, les gens qui pourraient vous voler votre argent. Pire! Ou pire, post-it. Votre virginité. Yo. Donc, il vous faut... c'est comme un truc, genre que... mettons, ta prise de courant, OK? À l'intérieur, tu as des affaires électriques, tu sais. Ça se peut que les affaires électriques, peut-être que ta prise ne marche plus, tu sais. Fait que bloque les fins des fils, tu ne branches pas rien, laisse ça fermé là, tu sais. Et puis, tu peux t'installer juste un petit contenant et puis mettre tes affaires à l'arrière de cette plaque de plastique-là. Tu revises ta plaque de plastique par-dessus. Personne ne sait, mais il y a des affaires de cachées dans ton mur. Ah! Ouais. C'est une bonne idée. Ils vendent même des gadgets que tu peux acheter spécifiquement fait pour ça, que tu peux même juste basculer la plaque par en avant, par en arrière, à la place d'avoir à dévisser. Mais moi, j'aimerais que ce soit un petit coffre-fort, quelque chose... Ben, pas nécessairement un coffre-fort, mais quelque chose qui passera pas au feu. C'est vrai, ça. Parce que... Tu s'entends, c'est le feu pogne, dévisser ta plaque. C'est ça, et des affaires qui pognent en feu, c'est bien des affaires électriques des fois, donc directement dans le mur. Non, mais t'as pas dit que tu l'enlevais? Tu l'enlèves, ouais, c'est ça, tu l'enlèves. Tu l'enlèves, mais le reste du mur pourrait pogner en feu à cause d'une autre prise de courant. Effectivement. Ensuite de ça, tiens, on va aller un petit peu plus culinaire, tiens. Un petit peu plus culinaire. Bonne idée. Mais en fait, c'est pas vraiment culinaire, c'est juste l'image qui avait l'air culinaire. Mais OK, parlons-en. Donc, on nous dit d'acheter des pilules de caféine, OK? Non. Non? Déjà, ça commence très mal. Mais tu me le dis, aussitôt que ça va pas bien, tu me le dis. Moi, c'est la chronique est là pour ça. Moi, j'accepte les critiques. Donc, d'acheter des pilules de caféine, de mettre ça dans, à côté d'un verre d'eau sur ta table de nuit. Tu mets ton alarme 15 minutes avant que tu doives vraiment te lever. Tu te prends une pilule de caféine, tu snoozes, et puis quand ta deuxième alarme va sonner, bam, t'es déjà en forme comme si t'avais bu un café. Non? Dis-moi pourquoi pas. Non, quelle mauvaise idée. Mais c'est un peu le même principe que les somnifères. Tu devrais pas avoir besoin de quelque chose pour t'amener à vivre une routine normale. Ouais. Et déjà aussi, quand j'étais jeune, OK, c'était en vente libre, ça, des capsules de caféine à la pharmacie. Puis moi, tu sais, t'es jeune, secondaire, 14-15 ans, prends de la caféine, tu vas voir, tu vas te faire toute la nuit, te faire le party, puis tout ça. Là, on prenait des capsules de caféine. Puis là, à un moment donné, oh, ça, je suis fatiguée, n'en prends d'autres. Mais j'étais quand même fatiguée, fait que je suis allée me coucher. Puis je peux te dire que j'ai passé une nuit à avoir chaud, palpitations. Je m'assois dans le lit en panique, essaie de me coucher pour dormir. C'est des très concentré, tout ça. C'était tellement une idée de bouette. Ouais. Non, pour vrai, là, après ça, j'ai jeté. Puis c'est à partir de là que j'ai réalisé que tout ce qui est en comprimé, là, t'en as peut-être pas besoin dans la vie. Non, dans le fond, une pilule de caféine, c'est pas juste de la caféine. Il y a d'autres affaires dedans aussi. Ou c'est juste parce que c'est une grande concentration plus que plusieurs tasses de café. J'imagine que c'est ce qui se passe. Ben, c'est parce qu'on peut. Justement, on contrôle moins facilement les quantités absorbées avec des capsules. Ben, c'est tellement facile d'en prendre sans réaliser la quantité qu'on va absorber. Ouais. Puis justement, je suis pas très fan de tout ce qui est en comprimé. Je pense qu'on peut régler bien des problèmes sans tomber dans ces comprimés-là. Il y a plein de trucs qu'on peut prendre dans la vie pour s'aider, puis on n'a pas besoin de tout ça. Parfait, c'est bon à savoir. Ensuite, on nous dit, tiens, qu'il y a deux façons d'être riche dans la vie. Hein? Un est d'avoir, la première, est d'avoir tout ce que tu veux. L'autre est d'être satisfait de ce que tu as. Oh. C'est cute, hein? On n'a pas besoin de grand-chose dans la vie. T'sais. On peut avoir un emploi qui ne paie pas très, très bien, mais quand même, on est heureux dans ce qu'on fait, puis on aime ça. Il ben, y a des avantages de l'autre côté. On se dire des fois, « Oh, je travaille peut-être pas 60 heures semaine, j'ai pas tant de sous, mais peut-être que tu as plus de temps puis que tu peux en profiter pour voir des gens que tu aimes, t'occuper d'eux. » T'occuper de toi aussi. Donc, le temps, c'est de l'argent, puis c'est vrai. Là. C'est tout à fait vrai. Puis, il y a des avantages d'autres que ça. Tu peux avoir ton vendredi de congé. Tu peux avoir plein de. C'est dans des petits jobs, c'est des fois plus facile d'argumenter en ta faveur que dans des grandes corporations. Et voilà. Ensuite, petite collation aux fruits maintenant. Très, très cute. C'est de prendre du jus d'orange, des kiwis, des fraises. OK? Tout compacter ça dans des verres de plastique. Planter un bâton dedans. Hein? Et puis mettre, évidemment, du jus d'orange, donc pour compléter le reste, les fruits, tu as des fruits, tu as compacté, du jus d'orange, tu mets bâton dedans, ça te fait un beau popsicle aux fruits. Super simple. Tu peux le faire aussi, tu prends du melon d'eau, là, que tu vas juste, comment je te dirais bien ça, effouérer. OK, melon d'eau. Ça fait vraiment comme du jus de melon d'eau, c'est tellement plein d'eau, tu peux te faire des popsicles juste 100% melon d'eau. Oh, bien. Très bon. Cool. Si tu veux, tu peux te gâter puis rajouter un peu de yogourt dedans. Très bon. Comme pour un smoothie, évidemment, tu fais mais un smoothie au yogourt. Mais congelé. Miam! Carré. Pour faire cuire du bacon, on reste vraiment dans la bouffe encore une fois. Pour faire cuire du bacon, la façon la plus simple, nous dit Internet ici, on va peut-être l'essayer nous-mêmes, là, c'est de mettre donc du papier d'aluminium, OK? Tu mets ton bacon dessus, tu fais cuire au four pendant 400 degrés, comment? Fahrenheit, hein? Pendant 12 minutes sur du papier d'aluminium. Mais effectivement, je pense que ça va très bien au four. Ben, des fois, dans le poêle, ça nous revole dans la face. Oui. Au micro-ondes, c'est très long. Puis, c'est pas lavable après. On s'entend, ben, c'est juste pas lavable. Moi, je mets ça, c'est comme Scott Towel, bacon, Scott Towel, bacon. Mais des fois, le Scott Towel colle après le bacon. Oui. Déplaisant les bouts de Scott Towel là-dedans. Mais j'ai fait du bacon pour la première fois dans le four il y a quelques semaines, justement. Puis ça, c'est vraiment la meilleure méthode. Okay. Je le note dans ma tête pour mais vrai. Ce que j'aime pas, c'est que ça réabsorbe son gras, genre. Miam! Fait que non, ben cool. C'est comme. Il y a une façon de que ça goûte le bacon sans. En tout cas. OK. Hey, mais justement, tu parles de bacon, j'ai vu. Pas vraiment une recette parce que j'ai pas les ingrédients. Hein, mais j'ai vu ça passer sur les internets hier. Et tu fais cuire du bacon, OK? Puis là, tu mets de la pâte à crêpes, tu mets ta tranche de bacon dessus, tu remets de la pâte à crêpes par-dessus, puis ça te fait comme une crêpe stuffée au bacon. Oui! Oui! Ça a-tu l'air bon comme. Il y a une chanson jamais? Là-dessus, Bacon Pancakes, Bacon Pancakes, il y a une toune là-dessus. Mais c'est vrai. Ça a l'air bon. Ça a l'air écœurant. Ensuite de ça, je réalise qu'il y a 100 000 lunettes, finalement, je vois pas très bien. J'avais enlevé mes lunettes, j'avais mal aux oreilles. Je vais remettre. De toute façon, on se voit pas, il y a un gros panneau en tout cas. Un gros panneau. Un gros panneau, c'est ça, j'ai mal compris. Un gros. Oh, oh qu'est-ce que c'est déplacé ça? Franchement, remonte tes culottes. qu'est-ce qui se passe selon toi quand tu mets un cornet de crème glacée? Non, juste le cornet, là, pas la crème glacée. OK. Donc, c'est ça. Attends un peu. Je vais essayer de le lire comme il faut. Quand tu mets un cornet de crème glacée sur de la pâte à petit cupcake, à petit gâteau, et que tu mets ça au four, le gâteau va entrer dans le cornet et tu peux mettre ensuite de la crème glacée par-dessus pour faire un délicieux petit cupcake en cornet. T'es sûr que ça rentre dedans? Ça rentre dedans sur l'image, en tout cas. Tu dis ça monte dans les airs. Ça monte dans le cornet. OK, tu mets le cornet genre dans. Tu mets dans. Ouais, j'avoue que c'était mal expliqué. Je comprends pas. Tu mets la pâte à cupcake dans ton petit moule à muffin, dans le grand moule à muffin, OK? Tout ça comme normal. Ensuite, tu mets ton cornet à crème glacée à l'envers. Donc, par-dessus. Par-dessus la crème, pas la crème, le mélange à gâteau, à cupcake. Ouais. Et ensuite, le gâteau va figer dans le cornet. Et après ça, tu le vires de bord à l'endroit, tu mets la crème glacée par-dessus. Ouais, OK. C'est-tu clair, ça? Mais pourquoi tu le fais pas de l'autre côté? Je sais pas. Que tu mets pas ton cornet debout, que tu mets pas ton. C'est une bonne question. Ton stuff dedans. Peut-être que le cornet va éclater quand ça va gonfler. Mais ça pourrait comme mon. Tu sais, cuire par en haut, tu sais. Sûrement que ça peut prendre l'expansion de la façon que ça veut. Mais ça va juste expansionner par le haut, ouais. Ça va y aller par la facilité, non? Bonne question. Essayez les deux, mais celui-là apparemment fonctionne, donc j'essaierai plus celui-là en premier. Puis sinon, ben, vous essayerez l'autre. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Il y en a que je saute parce que je le trouve juste pas bon. Ce que les gens remarquent en premier quand ils rencontrent quelqu'un. OK? Donc, pour savoir de quoi prendre soin, c'est selon un sondage de Philips Sonicare, donc une sorte de brosse à dents, d'accord? Donc, 47% remarquent le sourire, 31% remarquent les yeux, 11% remarquent l'odeur de la personne, 7% remarquent les vêtements et 4% remarquent les cheveux. Moi, c'est drôle, je trouve que les cheveux, j'aurais mis ça pas mal plus haut que ça. Je remarque ça pas mal plus que les dents. Vraiment? T'as-tu dit les dents? Que le sourire, excuse-moi. Ben, le sourire, okay. C'est les dents aussi. La bouche. Ben non, c'est pas pareil. Là, moi, je considère plus la dent l'air bête ou pas l'air bête. Je veux dire, honnêtement, je m'en fous de tes dents. Si t'as l'air bête, c'est pas agréable. Ben là. Non, ben je préfère que t'aies l'air sympathique, mais avec des mauvaises dents. Là. C'est ça. Mais après ça, peut-être que l'odeur va prendre en considération si t'as des mauvaises dents vraiment mauvaises. Mais... Bon, d'accord. Oui, t'as bien raison là-dessus. Une autre phrase cute ici, tiens, peu importe ton niveau d'intelligence, si tu te chicanes ou t'argumentes et tu débats avec un idiot, ben c'est toi qui vas avoir l'air d'idiot, qui donne l'idiot. Pareil. Parce que tu te bats avec quelqu'un qui a aucune façon de changer d'avis parce qu'il est juste idiot. L'insécurité est la seule chose qui peut faire que tu vas détester les gens que tu connais même pas. Donc, quand t'es insécure toi-même, tu vas détester les gens que tu connais pas. Ouais, c'est ça. D'accord. Non, d'accord. Ça peut arriver. Quand t'as un téléphone avec un écran pété, ton écran d'iPhone, t'as échappé ton iPhone par terre, il est pété, qu'est-ce que tu fais? Tu changes ton... Première étape, tu pleures. OK. Hein, dans l'état fœtal, dans le coin de ta chambre. T'appelles AppleCare, si tu l'as. En pleurant. Dans le coin, en position feta. Tu leur dis, je suis en position feta. Avec ton iPhone pété. I'm in the feta position. With my petit iPhone. Petit iPhone. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est mettre un fond d'écran de super-héros qui serait en train de péter ta vitre. C'est genre Iron Man qui pète ta vitre. Pow! Ça fait encore plus réaliste. Ou peut-être qu'elle n'est pas pété votre vitre puis que c'est juste la moustache de chat dans votre fond d'écran. Ça, c'est JP qui a fait ça l'autre fois. Vieux callback de Jean-Philippe de genre l'année passée. C'était très drôle. Sur une période de 2 ou 3 jours, il pensait vraiment que son écran était pété. C'est les moustaches du chat qu'il avait comme fond d'écran. Hey, c'était ça, adorable. C'est vraiment drôle. C'est très, très funny. Ensuite, étire-toi pendant 5 minutes avant d'aller te coucher. Tes muscles vont être plus relaxés. Ça va être plus facile de trouver une position confortable pour dormir. Très vrai. Ah. Puis aussi, des fois, je sais pas si tu as remarqué, t'es couché, puis, mais t'es encore tendu sans t'en rendre compte. À un moment donné, quand tu y penses, c'est comme non, relâche tes muscles, puis là, tu fais comme oh mon Dieu, j'étais toute. Contract. C'est, contract, mon iPad iPhone dans ma position faite. J'ai de la misère à relâcher mes muscles, en effet. Je pense que ça vaut la peine de prendre une petite 2 minutes aussi de relaxation, de dire, OK, je relâche mon bras, mon autre bras. Mon sphincter. OK. Tu sais qu'on a un sphincter dans les yeux. Non, je ne savais pas ça. Ben, c'est de ça que je parlais, en fait. Ouais, fait que je savais, c'est de ça que je parlais. Quand tu as une bonne idée, attends pas, hein, parce que les chances veulent que quelqu'un d'autre a peut-être eu ton idée en même temps et le succès vient à ceux qui agissent en premier. Oh! Voilà. Et voilà. Si t'as une mauvaise idée, cache-toi, t'as l'air cave. C'est ça. tiens, le plan d'économie de 5$, ce qu'on appelle le $5 savings plan. À chaque fois que tu te retrouves en possession d'un billet de 5$ dans ta poche, mets-le de côté à la place de te dépenser. À la fin de l'année, tu vas pouvoir utiliser l'argent que tu as économisé pour soit faire un gros achat, donc avec l'argent que tu as ramassé, ou encore la donner à une œuvre de bienfaisance, de charité. J'ai tellement jamais d'argent comptant sur moi. Moi non plus. Mais mettons, peut-être plus facile avec un 2$ ou un 1$, peut-être, qu'un 5. J'ai tellement jamais d'argent comptant sur moi. Moi non plus, non, c'est ça. Ensuite, j'ai tellement jamais d'argent comptant sur moi. J'ai tellement jamais d'argent comptant sur moi. Je sais pas. Il y a des phrases tellement clichés que ça me tente juste pas de lire. Dis-la, je vais rire de toi. OK, je vais. Ouais, c'est ça, j'aime ça faire rire de moi, c'est ce qui est le fun. Travaille pour être le genre de personne que tu veux rencontrer et tu vas voir que c'est que tu vas devenir le genre de personne que les autres vont vouloir rencontrer. Ah, oh, mais c'est beau. Moi, je trouve. OK, bon, parfait. Pas si cliché que ça, finalement. Bon. Ben, peut-être, mais c'est cute pareil. C'est ça. Ensuite, tiens, à la place de t'acheter un petit truc pour mettre autour de ton bras, il y en a qui vont des porter. Bouées. Des bouées, non. Non, vraiment pas. Pour porter ton téléphone, ton lecteur MP3. Ah, quand tu fais du sport. Quand tu fais du sport. À la place de t'acheter un truc qui va s'attacher par velcro, fais juste se servir d'un bas. Coupe-le. Ben oui, c'est bien plus beau. Non, mais il y a des beaux bas. ça va avoir l'air, des fois ça peut être vraiment cute, tu sais, un beau bas là, que t'as vraiment trouvé, que tu l'as acheté exprès pour. Ben là. Oui, mais c'est parce que la fille, c'est une top modèle. Comment? Tu me vois, tu sais, avec un bas sur le bras, genre ben là, t'es oui. Une grosse mongole. Ben non. Hey, oui. Ah, franchement. Et l'idée avec le bas, c'est que vu qu'il est plus long, tu peux le replier sur lui-même et le iPhone va rentrer dans le pli du bas. En tout cas, dépendant de vos bras, là, bon. Ah tiens, celui-là, je vais pas l'écouter moi-même parce que clairement, c'est pas ma philosophie de vie, mais il y a une grosse différence entre avoir l'argent pour acheter quelque chose et pouvoir se permettre l'achat de quelque chose. Avoir l'argent, c'est pas tout dans la vie. Mm-hmm. Tu peux pas nécessairement te le permettre. Je trouvais ça sage comme parent. Le pardon, c'est bon pour la santé, le pardon. Pardonner les autres, selon des recherches, peut soulager les maux du dos, la dépression, les maux de tête, et ça peut baisser votre pression. Le pardon. Oui, c'est vrai. Ouais, ça t'enlève un poids des épaules. Parce que quand t'es tout le temps en temps. Tout le temps contre quelqu'un, tout le temps en train de parler contre les gens, super pin. Mais non, mais juste quand je conduis, là, je sais pas ce qui se passe cette semaine. On dirait rage au volant, oui. Non, on dirait que tout le monde est arrêté en plein milieu de la route. Mm-hmm. Ça fait deux fois que je roule, puis il y a quelqu'un arrêté en plein milieu à lumière verte, puis qui bouge pas, je le dépasse, puis qui reste là pareil. WTF. Puis je suis comme... Oh. Insoutenable. Oh. Mettre de la poudre de bébé, poudre pour bébé, dans vos bas. Ça va absorber, évidemment, la sueur des pieds. Ça va faire que vos pieds vont pas sentir aussi mauvais quand vous allez enlever vos souliers et vos bas. Ça va aussi réchauffer vos pieds. Ben c'est peut-être niaiseux aussi, mais si tu travailles dans des endroits humides, ben tu peux avoir des problèmes de peau de pied aussi. De peau de pied, oui. La poudre, ça peut aider. Rien de pire que des problèmes de peau de pied. Ben raison. Comment naviguer dans une grande foule? Ici, c'est la crosse de la semaine, comme on appelle. C'est quelque chose qu'on ne vous conseille pas, mais que les gens font quand même. Donc, sachez-le. Comment naviguer une grande foule quand il y a beaucoup de gens? De mettre de l'argent dans une canne puis de la brasser, demandant aux gens de l'argent. Ils vont tous se tasser. Non, je n'aime pas ça. C'est très drôle. Non, mais moi, je suis beaucoup trop gêné dans la vie pour faire ça. Tellement, tellement. Il faudrait que tu te déguises avec une barbe puis... Ben oui, c'est encore bien moins gênant. Si tu veux mettre une chanson sur repeat sur YouTube, on vous a déjà parlé de façon de ripper les MP3 sur YouTube en tapant une adresse Internet. Ici, tapez repeat entre YouTube et .com, donc YouTubeRepeat.com et le reste de l'adresse, donc vous prenez vraiment l'adresse de votre vidéo. Okay. Vous ajoutez repeat après YouTube et ça va lire en répétition votre chanson. Ah, ouais! Tu sais, quand t'as une chanson que tu tripes dessus, là. Ah, la chanson thème du Mathieu Plancho. En boucle. Ping, peut-être ping, ping, pas, ping, non. Ping, ping, ping, ping, ping. Ça va être tout. Faut arrêter là parce qu'on a une autre chronique à faire. Donc voilà pour les instructions d'assemblage. On continue ça jeudi prochain. Ah, parfait. C'est le fun. Dans quelques instants, la bouffe de la semaine. En fait, ouais, plus, j'ai faim. Plus la malbouffe de la semaine, tu vas adorer ça. Pour l'instant, Broken Bells, voici Holding On For Life. So, c'est fou. Ah. Non, c'est pas l'Halloween. Ouh. C'est du surround sound que je fais à la radio. Ouh! Ouais. Girl, take a seat. Rest your weary bones. The secret's safe in my hands. Tell me about the years and let me buy an hour. Maybe help me to understand. Broken Bells et Holy On for Life. Si bon. Si bon. Non, si bon. Bon comme quelque chose qu'on mangerait qui serait sucré, hein? Parce que là, la bouffe de la semaine, les affaires santé, le wow minute, toi, là, non, on mangera pas bien, là. Tu te rebelles? C'est ça, c'est la malbouffe de la semaine. La bouffe de la semaine. Non, la malbouffe de la semaine. Il y en a qui me disent des fois que je suis un peu à pic, que je prends pas toujours bien la critique. Ben, ceux qui pensent ça, là, ben, qui mangent, là. Ah, du chocolat! Ah non, on a oublié! C'est ben, vrai. C'est la même couleur. C'est la même... Ben, non, ça dépend ce que tu manges. C'est ça. Aujourd'hui, Steph, pas de bouffe de la semaine, pas de produits santé. On va directement à la malbouffe de la semaine. C'est tout ce qu'on va faire. Par contre, ça va valoir la peine, je crois. C'est évidemment un produit auquel je n'ai pas goûté. Comme le veut la tradition, faut que j'ai la surprise en onde. Parce que, de toute façon, vous avez remarqué, parce que je suis pas très bon acteur si jamais j'essaye quelque chose que j'ai déjà mangé. Tu vas voir peut-être une thématique depuis les dernières semaines. On dirait que je prends tout le temps quelque chose de chocolaté, ça. Bon, ça me dérange pas, moi. Non, hein, c'est non. Ça, c'est, on se plaindra pas de ça. Et encore une fois, une autre thématique, c'est celle de Cadbury. Tu te rappelles, il y a quelques semaines, c'était les Crunchums. Oui, de Cadbury. Comment oublier? Exact. Ben là, on a le Dairy Milk à la pâte à biscuits. Oh my God! Pâte à biscuits, Chips Ahoy! Oui, les vrais. Ah non, t'as peu. T'as-tu dit Chips Ahoy? Chips Ahoy, oui. Ah, mais c'est pas pâte à biscuits, ça, c'est juste comme biscuits, là. Ben, en tout cas, ça dit pâte à biscuits cookie dough. Là. C'est marqué chocolat au lait et morceau de pâte. C'est écrit en dessous du collant à 2%. Parce que pâte à biscuits, oui. Pâte à biscuits, ça devrait pas être cuit. C'est ça le principe, il faut que ce soit mou. C'est bizarre que dans le mot biscuit, ce soit cuit deux fois, tu sais, non? Non, mais ben oui, mais c'est de la pâte à. Avant même qu'il soit. Avant qu'il devienne biscuit. C'est ça, le principe pâte à biscuits, c'est parce que c'est mou et c'est cru. Tout à fait raison. Il n'y a pas grand détail sur les produits Cadbury. On l'a vu avec les Crunchums la dernière fois. Il n'y avait pas grand-chose d'écrit, à part le fait que bon, la date de tombée est le 30 août 2014. Donc, on peut se rendre jusque-là. Ça va contenir, malheureusement pour moi, je vais m'en rendre compte plus tard, ça contient du lait. Ça contient aussi du soya, du blé. Il peut contenir arraché des noix. C'est importé par Mondelez Canada. Je ne savais pas que ça existait. Mondelez Canada. À déguster dans le cadre d'un mode de vie sain et actif, bien sûr, ça vaut vraiment la peine sur les emballages de nous écrire ça. T'sais. Ben oui, parce que si tu manges juste ça et que tu n'es pas actif, tu vas devenir gros. C'est ça, ou tu vas continuer de l'être dépendant de la personne. Donc, Chips Ahoy, évidemment, on connaît ces biscuits-là. On les retrouve partout en épicerie. Oui, c'est pas nouveau. Que j'appelle sympathiquement Chips Ahoy. Chips Ahoy, c'est pas les biscuits de plus grande qualité. On s'entend que quand on recherche quelque chose de vraiment sophistiqué, on va pas se lancer sur les Chips Ahoy d'habitude. Non? Ben moi, je préfère, mettons, quelque chose comme, je sais pas, les petits biscuits, tu sais, carrés avec du chocolat dur dessus. Écolier. Célébration écolier, style comme ça. Ça, je trouve que ça a plus de classe. Chips Ahoy, je trouve que c'est comme le biscuit basic. Souvent, je vais les trouver trop sec, les Chips Ahoy. Je préfère parce les mous. Tu les trempes dans le lait. Ben évidemment, mais c'est. Les mous sont pas bons. Ils n'ont pas le même goût que quand tu les trempes dans le lait. C'est vrai qu'ils sont pas aussi bons, mais quand même, je les préfère. Je pense que je les préfère vu qu'ils sont mous. As-tu essayé les durs trempés dans le Dream Whip? Dans le Dream Whip, non. Ah, ça, c'est comme l'alternative au Cool Whip, hein, c'est ça? Non, le Cool Whip. Mais c'est Cool Whip, là, mais c'est la même chose. Là. Mais d'accord. Tu trempes ça là-dedans. Si tu veux vraiment te boucher les artères. Ah, génial. Ben, j'ai toujours voulu. Sinon, juste de la crème fouettée, ça devrait. Non, c'est du Cool Whip. Cool Whip, OK, ben je note ça. OK, on retient ça. Donc, on va goûter au biscuit pâte à biscuit. C'est bizarre quand même. C'est du chocolat. Évidemment, en barre de chocolat, donc c'est à l'apparence d'une barre de chocolat. Je sais pas si les miettes, les pépites de chocolat des Chips Ahoy qu'on voit sur le dessin sont aussi dans la barre de chocolat parce que je l'ai pas vu au visuel non plus. C'est ce qu'on va faire mais à là, l'instant. Je suis tout énervé. Je donne évidemment la barre à Stéphanie qui va utiliser le micro magique pour entendre de près l'ouverture de cette barre Dairy Milk de Cadbury aux pâtes à biscuits. Mais avant, je vais enlever le prix. OK, enlève le prix, oui, ça va tout changer le son. Non, là. Mais c'est mon trouble obsessif compulsif. OK. Je peux pas rien manger s'il y a le prix sur l'emballage. Ah, wow. Faut pas que tu te rappelles combien ça t'a coûté cher, les affaires que tu manges. Ben non, mon Dieu, hey, un sac de chips, là. C'est vraiment juste le feeling. D'accord. Le feeling. Donc, micro magique, on baisse la trame. Attention. Oui, on voit que tu l'as déshabillé. Je l'ai complètement dénudé. À la verticale, comme on enlèverait une chemise. Ben, je t'habitue avec les hommes. les hommes, donc pourquoi pas du chocolat, c'est ça. Si on peut mélanger les deux, en plus, ce serait encore mieux. Hein? Ben oui. Donc, allons-y avec l'aspect visuel de l'emballage. Évidemment, c'est un emballage classique de barre de chocolat qui s'ouvre à la verticale avec un petit peu d'autocollant. C'est mauve. Moi, j'adore le mauve. Oui. Si on regarde la tablette en dessous, on dirait qu'elle a des boutons. Elle a des boutons, d'accord? Elle est pleine de verrues. Donc, on sait qu'il y a des motons de biscuits à l'intérieur. Donc, c'est un point positif. En effet, ils sont pas allés avec quelque chose de mélangé complètement qui aurait juste ressemblé à du chocolat. Ça aurait été plate un peu. Je vais retourner la tablette. Ouais. Donc, on compte-tu le nombre de carrés? Fais une multiplication. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 fois 7. 21? C'est ça? Je pense que oui. 7, 14, 21, oui. Ça va bien. Donc, on n'a pas un chiffre pair. Donc, si on est deux, évidemment, ça va aller mal. Si on est trois, ça va mieux parce qu'on a 7 chaque. Quelqu'un va devoir se sacrifier dans le groupe ici, là. Malheureusement. Ben, ça pourrait être moi, étant donné que je ne l'ai pas payé. Non, ça pourrait être moi, étant donné que je t'en fais cadeau. Je sais pas. On est tellement galants, l'un et l'autre. Donc, on a 21 petits carrés. Évidemment, ça se casse bien parce que ça a l'apparence un petit peu d'une caramel. Non, ça fait des miettes partout. J'étais sûr que ça se casserait bien. Je pense que si tu allais de l'autre côté, ça serait mieux cassé quand tu pars par le dessous. Mais bon. Donc, évidemment, on va passer ça sur les côtés ici. Attention, très, très loin de tout appareil. Donc là, est-ce que toi, tu croques, moi, je fais fondre? Un à la fois pour qu'on puisse parler pendant ce temps-là. Veux-tu commencer? Je te laisse commencer, si tu veux. OK, ben je vais y aller. D'accord, je te regarde faire, donc on va voir la consistance. Mais là, faut que tu parles. Oui, c'est bien, je suis en train de parler. Donc, elle croque, ça a l'air mou quand même, ça a l'air trop dur d'apparence lors de la croquitude. On n'a pas entendu un bruit de croque. Évidemment, tu aurais pu le marcher dans le micro magique, mais c'est trop tard. Non, parce que c'est très moelleux. Très moelleux, ça a l'air moelleux. C'est du Cadbury, on s'entend. D'habitude, le Dairy Milk, c'est du lait au chocolat, comme on sait d'où le nom. Hein. Le chocolat au lait a tendance à être un petit peu plus, pas visqueux, mais mâchouille mieux que du chocolat noir qui, des fois, est plus se défait plus en copeaux dans la bouche. Oui, il est très, très crémeux. Ouais. Écoute, tu peux y aller. Je vais parler un peu de mon expérience. Très, très crémeux. Je te dirais que le goût du biscuit est vraiment très, très, très léger. Ça vient juste ajouter une petite touche peut-être un peu plus croustillante à l'intérieur, un peu plus granuleuse par moment. C'est sur les dents qu'on le sent un petit peu. Oui, c'est ça. Sur la langue, c'est assez léger, je te dirais, l'apparence du biscuit, là. Mais je te dirais que ça apporte une petite touche sympathique. Mais de là à dire que c'est très caractéristique, je te dirais non. Je te dirais que moi, ça me change pas grand-chose dans la bouche. Je le remarque à peine. Je sais pas si c'est parce que je suis pas assez sensible dans les papilles gustatives dans ces saveurs-là. Je trouve pas que ça change grand-chose ou du tout. Je vais essayer en laissant fondre, voir. Alors, on se rappelle des autres sortes de chocolat Cadbury Dairy Milk. Ils ont en ce moment au bretzel et chocolat. Je l'ai acheté d'ailleurs dans t'as vu le 2 pour 5$ sur la barre de chocolat, c'est que j'ai acheté celle au bretzel aussi. J'avais déjà goûté, mais elle est très, très bonne. Celle-là, je la recommanderais plus que la pâte à biscuits parce qu'elle rajoute quelque chose. Alors qu'ici, je trouve que c'est pas le cas. Ou rigolant. Pas le cas. Un autre style. Mais c'est bon. Ben, c'est du chocolat. Ça goûte le chocolat. Mm. Mais si c'est le même prix, pourquoi pas? Bon, voilà. On a avalé ce qu'on avait avalé et on a dit ce qu'on avait à dire. C'était pas grand-chose. Donc, c'est le Dairy Milk, pâte à biscuits, par Cadbury. Et pour compléter, il nous reste très peu de temps, mais si vous écoutiez l'émission d'hier, on a fait référence dans le poste d'écoute, la chronique Le poste d'écoute, au groupe de Pine Tarts, qu'on a fait jouer pendant un bon petit 15-20 minutes, et c'était super le fun. Ça nous a amené à parler des Sweet Tarts. Ben cherchais oui. Le nom. Ça te rappelle les bonbons? Tu cherchais le nom et je l'ai pas trouvé non plus. C'est Justine, en fait, qui l'a trouvé. Donc, donne-lui le crédit. Je suis arrivé au dépanneur à côté du chocolat. Évidemment, il y avait le rack à bonbons. Là, c'était manquable. C'est dans ma thématique de qu'est-ce que je peux trouver au dépanneur en ce moment. C'est pas mal la malbouffe de la semaine, c'est à peu près ça. Donc, j'ai trouvé un petit emballage de Sweet Tarts par Willy Wonka, évidemment, la compagnie Wonka. Et j'aurais envie que tu l'ouvres aussi, qu'on y goûte, parce que celui-là, on contrevient à la règle. C'est-à-dire que d'habitude, on n'a jamais goûté au produit avant de les... Ben, sais-tu quoi? Je suis pas certaine que j'ai déjà goûté au Sweet Tarts. Sais-tu quoi, moi non plus, maintenant que t'en parles? Parce que j'achète jamais vraiment de bonbons. C'est arrivé à l'occasion où j'ai acheté des Nerds. Ben, je trouve que c'est bon. Mais des Sweet Tarts, pas certaine. Je ne sais pas non plus, mais on va le voir en l'ouvrant. Bon, probablement, comment est-ce que ça s'ouvre, on ne sait pas trop. On va l'ouvrir devant le micro magique, bien sûr. Je baisse la trame. Bon, tu vois, on connaît pas vraiment l'utilisation de cet emballage-là, apparemment. Une chance que c'est des bonbons, ça fera aucun dégât. On va tout s'arranger avec ça. Mais non, c'est des bonbons en pastille. Ça ressemble à des roquettes, mais en plus gros, à ce que je comprends. Ouais, c'est de la grosse poudre pressée. Sur le bonbon, c'est vraiment écrit « Sweet Tart » dans sa belle calligraphie. Puis c'est écrit bite them. Mordez-les. Ouais, mais je vais pas les mordre. Moi, je vais le sacrer au complet dans ma bouche. Malheureusement, je suis tombée sur un mauve. Ben, t'es tombée sur un orange, un jaune et un rouge par terre, et ensuite un mauve. Oui, un mauve dans mes mains. Je te dois 15 cents. Bon, en effet, il y avait des gros emballages à genre 4$ en boîte, mais il y avait aussi ce petit rouleau-là à genre 1,29$ si jamais ça vous intéresse en dépannant. Oui, vas-y en premier. On fait opérer en même temps. C'est pareil comme des roquettes, mais en plus gros. Comment? C'est la même chose que des roquettes. Même chose. Non? Je dirais que c'est plus solide. Peut-être un peu plus surette aussi, je te dirais. Est-ce que t'as croqué? Ouais, j'essaye. Je vais essayer, moi. Ah! Ah, c'est donc bien surette. Tu trouves? C'est pas sweet, ça. Ben, moi, les roquettes, je trouve ça surette. Ça dépend peut-être de la couleur que t'as trouvé. Moi, j'ai pas trouvé surette du tout. C'était un bleu. Ouais. Est-ce que tu trouves ça surette, des roquettes? Non. Ben, je trouve ça un peu surette, moi. OK, ben moi, mon niveau de surette, j'ai acheté des petits verres de terre. C'est des Sour Patch Kids. Est-ce que tu connais Sour Patch Kids? Non. C'est surette. J'ai l'œil qui me cligne. Moi, le Sour Patch Kids, j'en prends un et j'ai les côtés des joues qui veulent me sortir de la tête tellement je trouve ça surette. Alors ça, par comparaison, je trouve ça un petit peu plate. Mais bon, j'adore les bonbons comme ça. Je trouve ça le fun. C'est comme des menthes, mais qui se mangent plus vite que le menthe. Mais pas des menthes du tout parce que ça goûte... Ça rafraîchit pas la laine. Non, c'est ça. Mais moi, c'est d'avoir un bonbon qui goûte quelque chose, je trippe là-dessus. T'sais, j'aime pas les gommes, j'aime les bonbons. T'sais. On n'est pas fan de gomme non plus. Non. Donc, je vais peut-être avec toi partager le reste des Sweet Tarts plus tard en journée. Ben, je sais pas, je suis pas fan. J'avais lu qui me titillait. Ah. Est-ce que t'as déjà pris des shooters de Sourpuss? Non, mais j'en veux, là. J'en veux maintenant. Ça s'appogne un peu, là, des mâchoires, là. Miam? Donc, les Sweet Tarts de Wonka disponibles dans les grands dépanneurs. Et si vous voulez, vous pouvez écouter l'album de Pine Tarts. C'est Wolves Name the Moon. Et voilà, les informations sont données. C'est tout pour la malbouffe de la semaine. On va reprendre notre rythme habituel avec la bouffe de la semaine la semaine prochaine. Mais pour l'instant, on va devoir terminer l'assemblage requis ici. Triste, hein? Oh. C'est l'émission qui a passé le plus vite depuis un bout, je pense. Mais on va continuer à manger du chocolat. Exactement, et moi j'ai des sweeters jusqu'au palmarès assez fou à 15h. Donc on remercie François Landry, notre chroniqueur politique pour Logocratie 101. C'est pas mal tout ce qu'on a comme chroniqueur aujourd'hui. Lundi à l'émission, on va recevoir un joueur ou une joueuse d'impro et on va se rendre dans les coulisses de la Luître. On va aussi remplir un peu de notre mandat éducatif avec la chronique C'est un fait. C'est lundi entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30. Restez sur nos ondes plus tard aujourd'hui. À 11h, sera Dîner de con avec Danny Janvier. Nous, on va de retour, Stéphanie et moi, pour les palmarès C'est fou à partir de 15h. Ben oui. Le condensé de la meilleure musique de la semaine. Et puis, un paquet d'autres émissions. Allez voir le cifou.ca. Je sais qu'il y a la première ce soir de Radiophonique à 21h. La nouvelle émission de musique variée. Entre tout ça, il y a plein d'autres émissions. Encore une fois, cifou.ca, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. Merci, Steph. Ben, merci, Mathieu. Bonne journée. Toi aussi. Puis, ben, à lundi pour les autres, toi, mercredi prochain, comme toujours. C'est JP qui va être le lundi mardi. Oui. C'est comme ça. Bonne fin de semaine! Ciao! Bye!